Les chardonnays étaient très bons. Qu'est-ce qu'il fait, Laurent? On dirait qu'il fiche quelque chose. C'est pas un ASMR érotique. La chaîne. On a parlé de la bouche en campus, ça va être cool. Non, c'est rien, Priscille, il fait des bruits bizarres avec sa bouche. Il dort ? D'accord, super. Avant qu'on ouvre le podcast, il dort. Bienvenue sur le nouveau podcast de Marvelicious, avec aujourd'hui deux invités très spéciaux. Alors, un avec qui j'ai déjà fait plusieurs, je crois que deux ou trois, podcasts. Et un tout nouveau que j'ai appris à connaître grâce à Laurent, parce qu'il est cinématique DLP d'ailleurs, pour ce nouveau podcast où on fait un bilan sur l'Avenger Campus après presque un an. Ça fait pas un an tout pile. Je le sais, mais on n'est pas loin à un mois et demi près. Alors, il y aurait deux mois. On est le 11 mai, c'est 12 juillet, je crois que ça a ouvert. Ouais, non, 2 mois. Ouais, 12 juillet, donc du coup, à deux mois près. Mais bon, on peut faire un bilan quand même, puisque la plupart des fans des Avengers ont été le voir, je l'espère. Voilà. Et tout d'abord, on dit bonjour à notre invité habituel. Bonjour Laurent. Ah, bonjour Benji, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Bah parfait, super. Depuis ce week-end ? En pleine forme maintenant. T'as vlogué ce week-end ? C'était dur la reprise, mais en pleine forme. T'as vlogué ? Un petit peu, ouais. Un petit peu, beaucoup. Et Olivier ! Alors, Olivier, et Olivier in Wonderland. Wonderland. Yeah. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va très bien. La forme ? La forme, content d'être là. Ah, bon bah écoute, tant mieux. Le beau et séduisant Anthony. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tony de MSA. Mainstream Actu, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. La référence du podcast Disney. Je me permets de le dire parce que je suis un grand fan. Que d'honneur. Que je l'écoute depuis le début. C'est vrai. Tony, avec qui j'ai pu faire déjà des podcasts, mais sur Star Wars, parce que. Ouais. Que vous savez pas, Laurent Olivier, peut-être Olivier, tu le sais, mais il est très limité en débat Star Wars. Chez MSA. Il connaît rien. On me muselle en fait. On me censure. Je suis obligé d'aller dans deux podcasts pour en parler. Voilà, on avait fait un podcast sur la saison 1 de Bad Batch, à mon souvenir. Ouais, c'était ça. Et sur Mando aussi, je pense. Ouais, Mando, mais la saison 2. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Et là, on va en faire ce que je te l'ai dit, mais en off, mais on va en refaire deux autres. Faut qu'on voit une date pour faire la saison 2 de Bad Batch justement et puis Mando la saison 3 qui a terminé il y a pas longtemps donc faut qu'on fasse ça sur Marvel. Chose à dire sur celle-là. Oui carrément. D'ailleurs on peut la mettre en deux parties je trouve. Voilà bref. Ouais. bref. C'est sur Marvel donc on peut parler Star Wars. Bon. on était prêt à prendre du Star Wars. Hein. Ouais, c'est parti. Pas de problème. Là. En plus, Olivier, t'es fan aussi de Star Wars, toi. Ouais, j'adore. Ouais. Tu pourras venir alors aussi, on va s'organiser ça à trois. Du coup, Laurent aussi, d'ailleurs. Ah oui, oui. Mais Laurent, il n'a pas vu Bad Batch, je pense pas, sauf si on lui demande, voilà. Mais on n'est pas risque qu'il s'endorme devant la télé, hein, parce que il s'endort même pendant les podcasts. Donc, du coup, il s'endort pendant... Ah, c'était pour ça, les lunettes de soleil. C'est ouais, ça. Ouais, c'est une ruse. Parce qu'une fois, il a dormi dans un podcast, il y avait des ronflements. En plus, vu qu'on se voit... Du coup, on le voit allongé sur son lit. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Les yeux fermés et on entend. je m'étais mis dans le canapé, là, et c'était pas bien. Quoi. C'est pas bien. Du coup, c'est pas que je fasse en sorte de couper les ronflements. Et ça, au montage, c'est long. Ah oui, ça m'a mis du temps, oui. Mais ça va, il ronronnait puisqu'il ronflait, donc ça passe. Alors. Donc c'était pas trop facile, c'était pas trop dur. Voilà. Donc on est là, parce qu'on revient quand même à nos moutons, on est là pour parler de l'Avenger Campus, donc on va essayer de faire le point intégral sur le bilan, sur un bilan de l'Avenger Campus. On va faire un point intégral sur resto, attraction, nourriture, alcool, nourriture, Alcool, j'ai oublié quoi d'autre? L'alcool, oui, j'ai oublié de parler d'alcool. Et de l'alcool, bien sûr. Voilà. Et t'as parlé de la margarita. Et de la margarita. T'es pas à l'abri qu'il y en ait, hein. Donc voilà. Mais ou que ça revienne, parce que j'ai cru comprendre que ça allait rouvrir cet été. Le restaurant là, qui va s'appeler ouais, et Coco. C'est vraiment le sujet important en fait. Hein, la margarita. Voir. On va envoyer une équipe spéciale dédiée à ça pour voir s'il y a de la margarita ou pas. Hein. Dès l'ouverture. Olivier, sous le coup, là, je veux bien y aller si tu veux. Je veux bien s'en occuper. Ouais. Je veux bien vous rendre service, il n'y a pas de souci. Pour Olivier, la margarita, c'est la vie, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est l'essence même. Voilà. Dans mes veines coulent du sang et de la margarita. La margarita. Voilà, donc du coup, je vous propose de faire point par point, justement. On va commencer par les attractions. Voilà, alors, il y en a énormément d'attractions. Il faut savoir, c'est que... Non, il y en a que deux. Voilà, il y en a que deux. Il y a une attraction dédiée à Spider-Man, où on fait appel à votre corps, puisque l'objectif, c'est de... Voilà, Tony fait les mimes, vous ne voyez pas, mais voilà. Non, en fait, On peut appeler ça Tendinite Land pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, alors, mais... c'est vraiment ça. Voilà. Et l'objectif, en fait, c'est l'histoire, en gros, c'est que on vous présente, en fait, les inventions que font les jeunes à l'Avenger Campus, qui sont supervisées par, Tom Holland, mais c'est Peter Parker. Et il vous présente une Spider-Bot, donc cette araignée qui a fait des choses particulières, vous verrez. Et puis il y a une invasion de Spider-Bot et vous devez aider Spider-Man. Donc vous rentrez dans des véhicules et vous devez tendre les bras. Et quand vous tendez les bras, alors ça, c'est la magie de la technologie, c'est là où c'est bluffant, c'est quand vous tendez le bras. Eh bien, il y a une toile sur un écran qui sort et qui pulvérise une araignée. Et puis, suivant la couleur de l'araignée, ben, vous faites plus ou moins de points. Et vous avez différentes scènes comme ça. C'est des... Voilà. Donc, du coup, tiens, on va commencer par Tony. Explique-moi, cette attraction 1, est-ce que tu aimes son concept? Est-ce qu'elle t'a plu ou est-ce qu'elle ne te plaît pas? Bref, donne-nous ton avis dessus. Alors, moi, comme certaines personnes le savent déjà, je suis extrêmement technophile, donc j'adore cette attraction, juste parce que la technologie utilisée est vachement cool. Alors, en gros, c'est une Kinect améliorée. Hein. Pour ceux qui avaient une Xbox avec Kinect à l'époque, c'est juste une grosse Kinect, mais c'est super cool. Je trouve que la technologie marche bien. Alors, ça dépend comment on se place, mais si on est un peu trop près des gens l'un à côté de l'autre, parfois il y a des petits croisements entre les toiles, mais sinon, c'est vachement cool. La 3D est bien. Moi, qui en général suis malade avec la 3D, celle-là, elle passe bien, donc c'est cool. Honnêtement, j'adore. Franchement, j'aime vraiment bien. Le seul petit truc dommage, c'est qu'on se retrouve sur une des scènes dans la tour de Tivan qui n'existe pas à Disneyland Paris, parce qu'ils ont juste fait un copier-coller de la version de Californie. Voilà, c'est peut-être le seul bémol qu'il peut y avoir, mais sinon, elle passe super bien. Le côté compétitif est sympa. C'est ouais, une bonne attraction. Sachant qu'on peut, alors, faut savoir, c'est qu'on est 4 par véhicule, ouais. Et en fait, on a un score individuel et un score collectif, et quand tu finis l'attraction, et que tu as fait un. Alors, c'est classé par journée, je crois. Ouais. Oui, par journée seulement, je sais plus. Ou c'est la record, journée. Ouais. Ou record total, je sais plus. Je crois que c'est la journée. Je crois que c'est la journée. Voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Olivier, alors, dis-nous tout. Alors, cette attraction. Bah, j'aime beaucoup aussi. Surtout tout ce qui est autour de l'attraction, le pré-show. J'adore le pré-show. Je trouve vraiment impressionnant quand on arrive dans l'attraction, quand on monte aussi dans les wagons, en fait, c'est hyper impressionnant à voir. C'est très immersif. J'aime beaucoup l'immersion d'attraction. Après, l'attraction en elle-même, comme dit Tony, c'est un Kinect amélioré. Hein. C'est super fun. C'est surtout quand on le fait la première fois, on est impressionné par la réactivité des toiles par rapport au mouvement des bras qu'on fait, c'est super fun. Et puis effectivement, la 3D donne pas mal au cœur parce qu'il n'y a pas d'effet de mouvement. Une fois qu'on est devant une scène, on ne bouge plus. Je pense que c'est pour ça. Non, c'est une attraction qui est très réussie. Moi, quand je l'ai fait, quand j'ai découvert l'Avenger Campus, bah, là où j'ai rencontré Laurent d'ailleurs, c'était une journée passe annuelle qui était ouverte sur 3 jours. C'est le deuxième jour, je crois. Moi, j'étais allé, je ne sais plus, je ne crois pas que c'était le premier. Et je l'ai fait en boucle 5 ou 6 fois dans la journée, quoi. Donc, Tu avais ton sport de la semaine. Oui, par contre, oui. Non, le mec était en sueur. Il faut que je le refasse. Non, j'aime surtout, moi, les décors. L'attraction est sympa, mais c'est tout un ensemble que je trouve qui est très réussi dans cette attraction. Alors, juste... Tu parlais de la file d'attente, ça me fait penser à un podcast qu'on avait fait avec Tony sur les files d'attente, ouais. ADLP. Et il avait dit, Tony, une fois, je me rappellerai toujours, c'est t'avais dit, il y a des files d'attente, c'est des parcs à bœufs. Et le début, en fait, c'est fait vraiment parc à bœufs. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Le début, c'est ça. Pourquoi t'es pas dans la file extérieure ? Juste du foin. C'est terrible. Donc, juste du foin. Ouais, ouais. Et, mais bon, je trouve que ça va, ça, c'est assez fluide, quoi. Ça passe, enfin, c'est quand t'as 30 minutes, tu passes vite cette section-là de parc à bœufs, je trouve. Voilà. Laurent, alors toi ? Alors moi, j'aime beaucoup cette attraction, bien sûr. Ce qui me plaît énormément, c'est le côté ludique, le fait qu'on puisse utiliser nos bras comme des armes. Et c'est tellement bien fait, la 3D, elle est tellement immersive que t'as vraiment envie de jouer, quoi. Tu mettrais quelqu'un qui est un peu, je dirais, dubitatif, est-ce que ça va bien marcher ou pas, et ben, je suis sûr presque à 100% que tu rentres dans le jeu et tu vas mettre toutes tes forces pour jouer. Tu as vraiment envie de tirer sur toutes ces araignées. Je trouve ça, c'est un concept vraiment génial. Et moi, je suis vraiment content qu'on l'ait en France, cette attraction. Oui, appelé. Alors, du coup, ils ont inventé un truc. Je ne sais pas si c'est inventé. J'ai cru comprendre, c'est quelque chose qui est tiré des États-Unis. Ils ont carrément fait des add-ons, entre guillemets, c'est un peu l'idée. Où quand tu sors, en fait, tu arrives dans la boutique de Spider-Man, en fait, et ils te vendent des brassards. C'est des objets en fait, à mettre sur les mains. Ouais, c'est ça, c'est pay to win. Et en fait, tu peux avoir, entre guillemets, quand tu les mets, quand tu joues, tu as des pouvoirs supplémentaires. Mais c'est vrai que ça fait envie. Hein. Non, mais ça fait envie, hein, quand même. Non, c'est un peu cher, ouais. Mais j'ai envie d'essayer, quand même. Mais le jour où il y aura la réduction pass annuelle sur le on envisagera à ce moment-là, tu vois. Oui, en fait, c'est ça, t'as pas de réduction. T'as pas beaucoup de réduction avant le joueur campus. Hein. Non, c'est clair. Voilà. Et je l'ai eu sur un mug pour Laurent. Alors, voilà. Merci, Benji. Voilà. De rien. Mais, mais non, en fait, t'as les pouvoirs de Doctor Strange, à mon souvenir. T'as qui d'autre ? T'as Spider-Man, Iron Man. Et maintenant, Black Panther, depuis pas longtemps. Black Panther, ouais. D'ailleurs, quand tu sors à la journée, enfin, vu que t'as un classement à la journée, ce duo, tu vois ceux qui ont utilisé des gants, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais on voit. Non, j'ai pas fait attention à ça. Quand tu regardes, en fait, il y a des icônes qui se marquent et tu comprends. Il y en a beaucoup, tu en as vu beaucoup, toi ? Parce que j'ai pas l'impression que ça marche énormément, ce. Bah, moi, l'autre fois, je suis passé les premiers, j'avais fait plus d'un million. Et en fait, tous les quatre, ils avaient Enfin, en tout cas, j'avais vu des icônes que je vois pas dans les autres. Mmh. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour vendre des peut-être trucs. Que les icônes, c'est des fausses stats. Que les... Alors, peut-être que je me trompe après, je suis pas. Voilà, faudrait que je demande à Casmember d'ailleurs. Peut-être que ces icônes-là sont là par principe, mais j'ai vu qu'il y avait des lignes avec des icônes et d'autres pas. Donc, je suis peut-être de ceux qui ont des icônes. C'est possible. Ouais. C'est possible. Il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous utilisez le. Enfin, donc, dans l'attraction de base, vous pouvez utiliser vos deux bras. Par contre, si vous mettez le gant, on va appeler ça le gant, là du coup vous devez en avoir un par bras parce qu'il détecte en fait qu'il y a ça. En fait, en gros, la technologie, ça va permettre d'être plus précis parce qu'il va y avoir un capteur au niveau du poignet et donc il va être beaucoup plus précis. Et puis alors, après, il y a les pouvoirs que vous pouvez rajouter, etc. Mais du coup, en fait, si vous en mettez un et que vous voulez utiliser vos deux mains, bah, en fait, il vous en faut deux. Donc ça devient un fameux budget. Et surtout, quand vous les voyez, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui les achetaient pour les enfants et qui comprenaient pas à quoi ça servait, en fait. Ils croyaient c'est comme un jouet. Non, si vous les prenez, c'est pas des jouets. C'est ça. C'est le truc, c'est faites gaffe parce que j'ai vu des parents acheter des gants et du coup, les gamins disaient les gants, mais du coup, je dis ok, mais c'est pas un jouet que tu peux jouer tous les jours. C'est fait pour l'attraction, en fait. Après, il y a quand même des petits jeux. Hein. Je crois qu'il y en a un où il y a une petite balle qu'on peut faire léviter. C'est Iron Man, ouais. Docteur Strange, tu fais des formes avec. Ouais, c'est ça, oui. Puis en même temps, si tes gamins ont 8 ans et puis que tu reviens pas à Disneyland avant 3-4 ans, autant qu'ils jouent avec. Bon. C'est ça, quoi. C'est clair. C'est jamais. Et puis, vu que t'as pas la réduction passe annuelle et que ça coûte un bras, voilà, ou un poumon, quand on veut. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours posé une question. Est-ce que ça marche avec les pieds ? Faudrait essayer ça, Laurent. Alors, juste pour dire... je veux bien te filmer. Te mettre sur le dos et puis pencher la tête vers l'avant avec les lunettes. Ouais, alors le truc, c'est que tu as la barre qui va t'empêcher de te retourner. C'est vrai. Voilà. Mais en théorie... Ça va pouvoir marcher, hein. Alors sur la Kinect, ça marchait pas parce que je l'avais essayé à l'époque. J'avais essayé ça avec un pote et ça marchait pas. Il cherchait vraiment des mains en fait. En fait, il détecte le corps humain. Il détecte le corps humain en entier, la Kinect. Là, ça, ouais. Mais là, peut-être que ça pourrait marcher, ouais, faut voir. Ah, c'est... Bon, bah, tu sais quoi faire pour ton prochain vlog, Olivier. Voilà. Tu vas l'appeler J'ai fait Spider-Web avec les pieds. Un million de vues. Oh, la vache, il joue comme un pied. Ah ouais, bien. Bon titre. Bien joué. Ah, ouais, c'est bien joué. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'attraction. En tout cas, c'est une attraction qui est réussie, on va dire, ce qui est. Ouais. Qui change quand même de l'ordinaire. En plus, elle est assez technologique, donc du coup, ça va avec le campus. Alors, il y a la deuxième qui est assez pas mal critiquée, celle-là, du coup. Ah, il y a une autre attraction. Oh. Oui. Moi, je vais la défendre. Rien que ta réaction, tu vois, ça montre qu'elle est critiquée. Non. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, j'aime bien avec de la musique des CDC dans les oreilles. Des CDC, ce serait bien aussi. Metallica. Aerosmith, ce serait bien aussi. Aerosmith. Ouais. C'est vite. Donc, ça s'appelle Fly Force. Donc, Fly Force, on est accueilli par Tony Stark en Iron Man. Il y a des missiles Kree qui arrivent sur la Terre, mais il y en a beaucoup trop pour lui tout seul, puisque en fait, quand vous faites le pré-show, il demande à Friday s'il peut y arriver tout seul, et en fait, elle lui explique que tu arriveras à en pulvériser 3 sur 6, donc tu as besoin d'aide. Donc, du coup, on le voit chercher. Alors, il y a plein d'easter eggs. Franchement, il faut la faire. Moi, une fois, je me suis arrêté, parce qu'en fait, il n'y avait personne, il n'y avait que 5 minutes, et je voulais voir vraiment la boucle en entier. Et en fait, elle est vachement longue, la boucle. Et tu le vois chercher des personnes, machin. Et t'as plein de gens, en fait, des y a, plein y a genre, ce qui m'a marqué, c'est Wade Wilson, not this one, never. Mais en tout cas, moi, je suis resté. Laurent, je sais pas si tu t'es resté ou Olivier. S'il y a 5 minutes, ça vaut pas le coup d'avancer à fond. Prenez le temps de vous arrêter à ce moment-là, à ce pré-show-là, parce qu'il y en a deux. Arrêtez-vous et juste regardez la boucle, en fait. Et il y a plein d'easter eggs avec des personnages, etc. Il fait ouais, et puis il interagit avec ouais, non, celui-là il sera occupé, celui-là non, il voudra pas, il m'aime pas. Enfin, voilà, enfin, faut rester vraiment. Et après, en fait, la seule personne de disponible, c'est Captain Marvel, la copine d'Olivier, du coup. C'est Captain Marvel. Et puis tous les deux, en fait, sont d'accord pour pulvériser les missiles. Et nous, on est dans des véhicules et on doit les aider à détourner les missiles pour qu'eux puissent les pulvériser. Ouais. Voilà, je crois que j'ai résumé. Et dans l'attraction, en fait, on suit Iron Man et puis Captain Marvel dans l'espace. Voilà, qui détruit les missiles Kree grâce à nous, qui les détournons. Voilà, je crois que j'ai résumé à peu près. En tout cas, je trouve ça, l'histoire, enfin, juste cette histoire, je la trouve sympa, pas vous ? Merci. L'histoire est sympa. Franchement, elle est sympa, mais c'est pas forcément clair pour un guest. Enfin, tu le disais, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'attraction, si t'as pas l'explication sur le grand écran, tu te retrouves vite en fait à pas comprendre l'histoire, parce qu'une fois que t'arrives dans la pièce avec Iron Man, l'animatronique est incroyable, mais une fois que t'arrives dans la pièce, déjà faut l'avoir ce pré-show parce qu'il y est pas toujours. Et même quand tu l'as, si t'as pas eu la première partie, bon, en fait c'est pas super clair ce qui se passe. J'ai pas l'impression qu'un guest qui vient une fois tous les 10 ans se rende vraiment compte de ce qui se passe en fait. Ouais, après t'en as plein qui vont dans la file d'attente qui regardent même pas les pré-shows. Oui, clairement, oui, c'est certain. Qui s'en foutent et. Ouais. Ouais, ils veulent faire l'attraction, et puis voilà. Ouais, voilà. En tout cas, l'histoire, je trouve sympa. C'est un peu comme Spider-Web, c'est une histoire assez originale, je trouve. Non, puis la file d'attente, et, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression d'être chez les Avengers. Ouais, vraiment dans le campus, ouais. Non, franchement, la file d'attente, je la trouve géniale, quoi. Même avant d'arriver à Iron Man, je la trouve très immersive. On se croirait vraiment dans un bâtiment des Avengers, je trouve. Ouais, et puis c'est vraiment les couleurs des Avengers, quoi. C'est bleu, gris. Métal, etc. C'est vraiment, vraiment et pas mal. Surtout qu'on n'arrive pas à se repérer, parce que c'est une réhabilitation. Donc, on a vraiment l'impression d'être à un autre endroit. Quoi. C'est, Oui, quand tu as connu, c'est vrai que quand tu as connu Roller and Coaster, tu, dans ta tête, tu vois, bon, tu passes devant les guitares. Tu passais devant les guitares, donc tu dis voilà. Et puis après, tu passais dans la salle là où ils t'expliquaient l'attraction. Et puis après, t'attendais. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, t'arrives plus trop à te repérer. Ouais, c'est... Mais en fait, il y a moyen plus ou moins de se repérer, c'est quand on est dans la partie qui longe le launch, en fait. De là, t'arrives plus ou moins à voir où tu te retrouves, mais bon, c'est pas... C'est à la super fin. Clair quand. À la ouais, fin. C'est mais vous savez qu'ils en ont fait des guitares, d'ailleurs ? Elles ont pas été vendues aux enchères. Je crois qu'elles ont été vendues, ouais, c'est ce que je me disais. Ah ouais, je suis pas sûr. Pour une œuvre de charité, je crois, de mémoire, il me semble. D'accord. J'en suis pas certain, mais il me semble. Bon. Laurent, qu'as-tu... Alors... Alors ça c'est pour l'histoire, mais Laurent, tu l'aimes bien cette attraction-là ou pas? Moi j'aime bien les coasters de toute façon. Je trouve que par rapport à ce que disait Olivier, je pense la même chose. J'apprécie énormément la file d'attente. Elle est très immersive et elle nous met dans l'ambiance. Et comme tu disais, les couleurs, les codes couleurs sont vraiment là, qui nous mettent dans le monde des Avengers. Après, le coaster en lui-même, ben, je pense que c'est l'avis de tout le monde. Il est, moi je l'aime bien, mais ça manque de lumière, quoi. C'était les premières impressions qu'on a eues quand on l'avait fait à l'ouverture, quoi. Mais sinon, la thématisation là de détourner des missiles, d'être accompagné de Iron Man et de Captain Marvel, franchement, je trouve ça trop cool. Moi, je suis à fond dedans à chaque fois, moi. Ouais, moi, pareil. Ouais. Moi, ça marche. Je suis comme toi, ça marche. Mais même. Il y a quelque chose qui me plaît pas, moi, quand même. C'est que des fois, alors, c'est pas tout le temps, j'ai remarqué, ça dépendait. Mais des fois, alors, surtout à un passage où tu vas dans. Où tu plonges, tu vois les autres, les rails, en fait. Et ça fait comme une toile. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Vous avez pas fait gaffe que non, des fois, il y a un gros passage, là, comme ça. En fait, c'est un peu le passage où t'es dans le noir, là, où du coup, t'as un petit peu de lumière et tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Il balance je crois que c'est Iron Man qui doit balancer un faisceau et ça éclaire d'un coup en fait et tu vois carrément le rail. Et une fois, ça m'est même arrivé de voir le wagon d'après, le train d'après. Donc, sur le haut. Du coup, c'est compliqué à le voir parce qu'il y a que deux blocs dans le ride. Donc du coup, ouais, t'en as que deux max dans le bâtiment principal. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé d'en voir un, mais une seule fois. Et je crois que c'était au tout début de l'attraction quand je l'avais faite. Voilà. Mais voilà. Après, il y a un autre endroit, moi, où ça me fait mal au cou. L'écran est en face de toi, donc tu le regardes. Et à un moment, le train, il tourne. Ouais, il tourne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, oula, t'as une douleur à la nuque. Qui tu n'avais pas. Bon, maintenant, je suis habitué. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, tu vois, au final, le ride, c'est exactement le même que Rock'n'Roller Coaster. Ils n'ont pas du tout refait le ride, ils n'ont pas retraqué, ils n'ont pas changé les trains. On est toujours sur le vieux Vekoma de 2002. Donc voilà. Apparemment, le fait qu'ils aient pas changé les trains, c'était une histoire de pas devoir se faire réhomologuer en fait. Parce que s'ils changent le gabarit des trains, bah, ils doivent se faire réhomologuer. Donc là, ils ont juste remis un coup de peinture et c'était bon. C'est apparemment ce serait ça le truc. Mais par contre, ouais, c'est en fait le truc, c'est que quand t'étais dans Rock'n'Roller Coaster, t'avais rien à regarder. T'avais vraiment juste de la fumée, de la musique et des lumières. Ça bombardait. Et moi, ça me plaisait énormément ça. Le truc, c'est qu'ici, t'as des trucs à regarder, mais le problème, c'est que t'arrives, le truc il est en face de toi, tu le regardes, et puis le train il part à gauche, mais toi tu regardes toujours à droite, donc c'est ça en fait, ça te casse la nuque à ce moment-là. Et le truc c'est que, enfin, même si Rock'n'Roller Coaster il y avait rien regardé, je le préférais parce que justement t'avais rien regardé, donc tu t'attendais pas à voir quelque chose. Ici t'as trois écrans à regarder, mais entre les écrans il se passe rien en fait. Moi c'est l'audio qui me, enfin moi j'adhère totalement. Enfin j'ai fait que 4 fois hein, depuis que c'est ouvert, donc je la fais pas tout le temps à chaque fois. Moi je suis à fond quand tu as Iron Man qui dit manœuvre d'évitement et que tu fais une vrille à ce moment-là. Enfin, moi je suis à fond dedans chaque fois. Il y a deux trois passages comme ça qui sont bien, mais Après les écrans, il y a des moments où tu t'ennuies quoi. Enfin, il y a un moment où tu es tellement dans le noir, en plus tu es juste dans une espèce de boucle comme ça qui te ramène un peu vers le haut, il se passe rien en fait. Il y a quasiment rien, tu as juste un peu de musique de fond. Ouais, je sais pas. Enfin, honnêtement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais pas à mieux quand quand ils avaient dit que ça allait être une réhabilitation, on savait que ça serait le même ride. Ouais, mais ils ont déjà réussi à faire des trucs un peu mieux, tu vois, par exemple. C'est les écrans qui sont décevants. C'est ça, les écrans sont décevants. Après, il y a toujours le fait que normalement ils doivent rajouter des lumières et des choses comme ça. Bon, on les attend. Mais là, on verra. Ouais. Faut voir, tu vois, peut-être des effets de laser ou des trucs comme ça, ça pourrait peut-être. Parce qu'ils rajoutent des LED pour faire simuler les étoiles, tu vois. Ouais, ça aussi, ouais. Déjà rien que ça, ça abîmerait un peu le. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes, t'as pas forcément d'être dans l'espace. Bah, faut combler quoi. Il n'y a pas assez de lumière. Ouais. Et ils peuvent récupérer les. Mais tu vois. Le problème, c'est que j'ai l'impression que si tu mets trop de lumière, tu vois les rails, tu vois. Bah, c'est ça. C'est un peu. Faut... C'est pour ça que je pense qu'ils n'en ont pas mis au départ. Hein. Et pourquoi pas utiliser les drones du show nocturne à l'intérieur. Ils te font voler les drones dans le show. Ils pourraient récupérer les chauves-souris de BTM aussi, tu sais, dans le tunnel. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ça ferait des économies. Et la fumée aussi quand même. Elle marchait pas aujourd'hui. Et on l'a fait aujourd'hui, la fumée. Samedi, ouais, et l'eau non plus. On l'a eu deux fois la fumée, je crois, samedi. Ouais, on l'a eu les deux fois. Samedi, ça a marché toute la journée. Ouais, c'est ça. On log avec Laurent, tu l'avais. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y avait ni la fumée, ni. ni l'eau dans la descente. Ni le train, je l'ai fait à pied. J'ai fait mes times à pied. Ok, on a fait le tour des attractions, je pense. On va faire. En tout cas, bon, c'est une attraction qui fait débat. En tout cas, on voit. On a pas parlé d'Iron Man quand même, l'animatronique. Ouais, ça ouais. Ah oui, on peut en parler. C'est incroyable. Il y a pas de difficulté. Oui, oui. En fait, Iron Man. D'ailleurs, il est d'une qualité, d'une bonne. Enfin, il est de bonne taille. C'est pas un truc ridicule. C'est vraiment. Il est bluffant et je sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il explique à Friday d'allumer ses réacteurs d'or. Tous ces flaps se déplacent pour comme s'ils volaient, ouais. Voilà. Et en fait, réellement, l'animatronique non seulement est excellent, mais l'animation, au niveau de la, la concordance entre le son et ce que vois est vraiment bien fait. Hein. Enfin, dis-moi, Tony, c'est pas comme les Small World où les poupées font nini. Ouais, c'est rien à voir. D'ailleurs, je crois que c'est une nouvelle technologie de l'animatronique, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est la. En fait, ils parlent en génération. Je crois que c'est la 5e ou 6e génération, comme ça. Ouais. En fait, il y a une génération plus avancée que celui de Pirates des Caraïbes, donc le dernier. Et c'est la même génération que la mer dans Avatar. D'accord, je vois. Dans Navi River ou je sais plus quoi, oui. C'est la même génération en fait. Et franchement, ils sont tellement fluides, ils sont incroyables quoi. Mais par contre, en termes de maintenance, c'est hardcore. Aujourd'hui, ça fait deux jours qu'ils. En plus, tu le vois pas parce que quand tu l'as. Oui, ils sont passés par l'extérieur en fait. Non, tu passes à l'intérieur, mais en fait, ils mettent une sorte de. Il y a une sorte de rideau de fer qui est disant, tu peux pas le voir. Parce que moi, je l'avais eu ça une fois où il était fermé. Du coup, il nous avait fait passer par l'extérieur, en fait. Non, là, t'as un rideau de fer, en fait. Tu le vois pas du tout, en fait. D'accord. C'est comme ça. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même un truc top dans l'attraction, quoi. Oui, après le film, d'ailleurs, c'est juste après le film c'est ça, que l'on voit. Du coup, on va parler des spectacles, parce que ce qu'il faut savoir. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un campus, on peut être d'accord là-dessus, qui bouge énormément. Ouais. Énormément, c'est-à-dire que tu peux t'asseoir quelque part et regarder. Tu peux faire ça toute la journée. Tu te mets, sauf l'hiver. Sauf l'hiver, ou voilà. C'est vrai. T'as que t'as. En même temps, l'hiver fait froid. Il fait froid l'été ici, des fois. C'est vrai. Oui, enfin, je pense que quand t'es en collant, en train de voler, et te battre avec sur le toit contre... contre Taskmaster. Taskmaster, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Les gardiens de la galaxie, ils peuvent toujours danser quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ça réchauffe. On fait le sport. Ouais, ça réchauffe. Voilà. Donc, du coup, il y a plusieurs spectacles. Donc, on va faire. Je vais juste abréger quand même ceux qui ne sont pas forcément intéressants. Il y en a un, c'est même pas un spectacle, c'est une intervention de Spider-Man qui est de temps en temps sur le toit de son attraction. Voilà, qui interagit pas mal avec les enfants. Je sais que mes filles, elles sont. Surtout ma grande qui est fan de Spider-Man. Alors, dès qu'elle voit, il faut s'arrêter et puis on ne bouge plus jusqu'à qu'il s'en aille. Vous avez, c'est une rencontre personnage puisqu'une attraction, quand vous rentrez dans le campus à gauche, où là c'est, généralement c'est la guêpe et Ant-Man. Ouais. Voilà. Parfois Groot aussi. Le week-end Groot. Groot. Ouais. Le week-end, Groot. Ouais. Groot, je s'appelle Groot. Vous avez le Training Center. Ça, c'est plutôt pas mal. Où vous pouvez réserver. Alors, il y a des heures précises sur l'application. Réserver des créneaux. Donc, tu peux voir Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man. Et après, tu as une autre, c'est surprise. En fait, tu sais pas trop qui c'est. Il y a Doctor Strange, Black Panther. Nous, on a eu Doctor Strange. Ah oui. Donc, on a eu Doctor Strange. Bon, là, en fait, c'est sur l'application. Tu prends un créneau, etc. Enfin, c'est pas un spectacle, mais c'est une rencontre personnage. C'est plutôt pas mal parce que c'était vraiment seul avec le personnage. C'est très il réagit avec toi. Il y a de l'interaction. Ils sont très centrés sur les enfants. Je sais que nous, quand on y va avec les filles, c'est tout de suite viens me voir, photo, câlin, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Enfin, c'est quand on a été voir Doctor Strange, par exemple, très très sympa, le gars, franchement. C'était super. Et vous avez quand même des spectacles. Là, on va parler vraiment de spectacles. Comme je vous dis, vous êtes à l'extérieur, vous vous posez, puis vous pouvez passer la journée à regarder, parce que les spectacles sont plutôt pas mal. Alors, il y en a un, c'est les Gardiens de la Galaxie, où il y a Gamora et puis Star-Lord. C'est à peu près c'est même le même principe qu'il y a longtemps, où il y avait les Gardiens de la Galaxie, Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Voilà. C'est le même principe. Au studio, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, Tony, de ce spectacle? Il y avait Groot, je devais voir avant. Il y avait Groot aussi, ouais, celle-là. Ils n'avaient pas la version qui bougeait du perso. Mais en fait, c'était un petit spectacle qu'ils faisaient. Donc, à l'époque, c'était sur la petite scène qu'ils avaient mis à côté de Studio Theater. Et maintenant, ça se fait juste un peu dans le rond, en fait, devant Friday. Et là, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est le même principe. En fait, ils doivent faire monter la température, et pour faire monter la température, bah, il faut danser. Et le concept a légèrement changé quand même, parce qu'avant, ils essayaient de s'échapper, etc. Il fallait faire monter la température pour pirater les capteurs. Ils arrivent sur Terre, ils essayent de recruter des gens, et du coup, en faisant monter la température, il faut les faire danser, etc. C'est un peu différent. Après, le reste du show est à peu près pareil. Et en gros, c'est un battle de dance entre l'équipe de Star-Lord et celle de Gamora. Et au final, bon, Gamora se laisse prendre aussi au jeu. C'est plutôt sympa. Après voilà, moi je suis pas forcément à beaucoup danser comme ça, donc c'est pas le truc qui me parle le plus, mais honnêtement c'est sympa à voir. Et le truc c'est que c'est des shows à interaction, et qu'on est très mauvais pour les interactions en Europe. Tu fais ça aux États-Unis, ça marche à mort. En Europe, bah tu vois que les gens sont un peu en train de regarder en mode ouf, ouais bon, allez, je vais me dandiner légèrement, ce sera bien quoi. Donc c'est toujours un peu le problème de ce genre de show. T'as fait le poisson du cul, monsieur, hein. Oui, mais bon, voilà, c'est après, tu le vois, hein, tous les trucs comme ça qui sont participatifs, on le voyait avec Pirates et Princesses, à part les extrêmes fans qui dansaient au milieu, c'est la même chose avec le show actuel, où t'as vraiment les gros fans qui sont en train de danser au milieu, et puis la moitié des gens, ils font que regarder, quoi. Donc c'est un peu c'est l'Europe, hein, c'est comme ça. Mais oui, c'est un chouette show, plutôt sympa, assez interactif aussi. Et puis quand il y a des gens bien motivés, ils jouent avec et tout, et c'est plutôt sympa, ouais. Laurent, tu connais un autre spectacle, c'est celui des guerrières du Wakanda. Il t'est arrivé plusieurs fois de le filmer. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, les guerrières du Wakanda arrivent, font la présentation un peu du Wakanda et font une danse ou un entraînement avec des lances. Alors, voilà, peux-tu nous raconter comment se passe ce spectacle, si tu t'en souviens? Eh bien, elles arrivent, elles font... Elle se présente déjà. Il y a la chef, elle se présente. Elle s'appelle Henri. Elle présente ses collègues. Est-ce qu'elle met ses baskets? Elle se présente, elle s'appelle Henri. Enfin, Henri. Ça, allez. Voilà, désolé. C'est bien, il y a des références françaises en Belgique. Et on a de la culture en Belgique, hein. C'est pas comme chez vous. Hein. On s'intéresse aux autres pays. C'est vrai. Tant plus, pire, c'est que tu as raison. Donc oui, alors il t'a coupé, vilain. Alors Laurent, donc c'est pas grave. Mais donc ensuite arrive... ben oui. Alors vas-y, continue. Je suis désolé, je t'ai cassé complètement. Tu veux faire dodo, Laurent? Non. Ce qui est génial, c'est que c'est participatif. Bon, bien sûr, on est des recrues. Faut pas l'oublier dans l'Avenger Campus. On est tous des recrues. Et là, d'ailleurs, ils nous appellent tous recrues, même les casse-membres. Oui, ils nous appellent exactement. Ouais, c'est vrai. Et donc là, c'est le moment de l'entraînement. Donc elle choisit qui veut. Enfin, elle choisit. Elle demande des volontaires, je crois, il me semble. Oui. Et puis elle choisit parmi ceux qui se présentent. Mais généralement, c'est des enfants. Je me rappelle pas. S'il me semble qu'il y a quelques adultes dans le lot qui peuvent. Oui, ils peuvent, bien sûr. Ils peuvent, mais principalement des enfants. S'il y a beaucoup d'enfants, ça va être des enfants principalement. Mais c'est génial, je trouve, les apprendre à manier la lance, tout ça, à réciter aussi quelques slogans wakandais. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce spectacle-là, c'est les costumes. Ils sont magnifiques, les costumes. Franchement, c'est de toute beauté. C'est vraiment de Elles sont très belles. Ouais. Ouais. Et puis c'est impressionnant. Ouais, sans s'y croire. Puis elle manie vachement bien la lance. Quand tu regardes comment elles le font tournoyer et tout, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant. Y a un autre spectacle. Du coup, ça va être au tour d'Olivier de nous l'expliquer. C'est un spectacle en fait qui se situe. Alors la scène elle est en hauteur, ce qui permet, je crois, plutôt pas mal, parce que tout le monde peut le voir lorsqu'on est dans la place centrale. C'est un spectacle qui est en hauteur. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Sincèrement, je ne sais pas. C'est avec Taskmaker, L'Alliance des Avengers. C'est ça. Ah oui. Ça s'appelle l'Alliance des Avengers. Oui. C'est Taskmaster et sa bande de mercenaires. Taskmaster, ont infiltré le Marvel Avengers Campus pour voler un objet de grande valeur. Voilà. Olivier, peux-tu nous parler de ce spectacle? Oui, t'as pratiquement tout dit. Donc, il y a Taskmaster qui attaque. Ça commence avec Black Widow. Qui se fait attaquer par Taskmaster et puis ses acolytes pour récupérer de l'uranium, je crois, de mémoire. Vibranium. Vibranium, oui, l'uranium. Oui. Le fameux vibranium. Et puis, il y a une interaction avec Friday donc, dans ce show, un peu comme Gardien de la Galaxie, d'ailleurs, où c'est très sympa. À un moment donné, elle appelle à l'aide Iron Man. Donc, on a la voix française d'Iron Man qui accentue l'effet d'immersion en fait. Donc ça, je trouve ça génial. Et il y a des combats sur le toit où finissent par arriver Black Panther et au final Spider-Man. C'est des combats qui sont très bien mis en scène, très bien chorégraphiés. On voit que c'est des professionnels. Il y a des effets de quand ils tapent avec une lance sur la barre de fer, il y a des étincelles, il y a des petits effets pyrotechniques comme ça. Il y a des fumigènes, c'est vraiment de la cascade professionnelle. Quand on est en bas, l'avantage de ce show, contrairement aux deux autres, c'est que tout le monde peut le voir. Comme il est en hauteur sur les toits, il est visible par tout le monde. Ça, c'est absolument, je trouve ça vraiment génial comme idée. Et quand on assiste au spectacle, on a vraiment l'impression d'avoir des combats, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas revu. Mais, on l'a vu ce week-end. Oui, non, c'est pas ça que j'allais dire. Je le revois souvent ce spectacle. Mais je sais pas si tu te rappelles, Laurent, lors de l'inauguration pour les passes annuelles, il y avait un combat à peu près similaire avec Spider-Man, plus près de l'entrée du parc. Oui, sur le toit. Et je l'ai jamais revu. Sur le toit. Il y avait un combat. Ça me dit rien. Spider-Man et les méchants. Et c'était, tu sais, sur la partie où tu rentres, t'as la tour web, où t'as Spider-Man toujours. T'as des emplacements sur le toit où il fait des coucous actuellement. Et il y avait des combats contre des méchants avec des cascades. Et je ne l'ai jamais revu. Ça n'a pas duré longtemps. Bah, je sais pas. Moi, si ça a dû faire juste pour les passes annuelles, peut-être. Ouais, possible. Juste pour les journées. Ouais. Bah ouais, mais je trouve ça dommage parce que du coup, il y avait ça en plus et c'était top, quoi. Donc il y avait ça aussi. Non, je trouve ça vraiment bien, ce spectacle sur le toit. C'est super bien pensé. En plus, on voit bien où qu'on soit. Ça, je trouve ça top. Et en plus, ça tourne. Ils ne sont jamais en même temps. Donc, du coup, c'est comme on disait tout à l'heure. Tu t'assois, tu regardes. C'est Gardiens de la Galaxie. Après, c'est Wakanda. Enfin, je ne sais plus de quelle heure. Comme tu disais, en haute saison, ça n'arrête jamais. Hein. C'est un spectacle qui se termine. Il y a autre chose qui arrive. Et en plus, tu as ça. Et ce qu'il faut savoir, parce que c'est aussi, c'est que vu que tu es dans un campus et que tu es une recrue, les Avengers tournent aussi dans le parc. Alors, généralement, c'est toujours les mêmes. C'est Thor et Loki qui sont tout le temps ensemble, qui se promènent dans le parc. Je crois que tu as Black Widow de temps en temps. Ouais, elle passe peu. Il y a Captain America Falcon qui passe aussi. Ant-Man et la Gamme qui passe aussi. Ant-Man et la Gamme, ouais. Falcon, Falcon, excuse-moi de t'interrompre, il fait un truc génial qu'il a refait avec Laurent, qu'on a vu. J'avais déjà filmé. J'ai eu la chance de le filmer. Il se met à faire 1, 2, 3 soleil avec les enfants. Ça, c'est génial. Ah oui, il l'avait fait le week-end dernier, il a fait ça, c'est cool. Ouais, il y avait trop de monde, en fait, le week-end du monde dernier. Il dit ça parce que Laurent a joué à 2-3 soleils avec Captain America, c'est pour ça. Il dit pas non, pire. Non, moi, je l'avais vu un soir, en fait, totalement par hasard. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait que des enfants, c'était trop mignon. C'est dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. En tout cas, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que tu peux t'asseoir, tu as les spectacles, les personnages qui se promènent. En plus, ils sont accessibles. C'est pas comme si tu pouvais pas. Tu vois, tu as aussi des personnages. Attends, vas-y. Je voulais dire qu'en fait, tu disais qu'on pouvait rester toute la journée. Quand j'étais avec Laurent à la journée passe annuelle, donc en fait, une fois que tu rentrais le matin, si jamais tu sortais du campus, tu n'avais aucune possibilité de rentrer. J'y suis resté. On y est resté du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Non. Il a mangé tout le temps, je parie, Laurent. Ouais. C'est pas faux. Et on s'est pas ennuyé une seule seconde. Quoi. Franchement, j'ai pas vu la journée passer. Mais, week-end dernier, il y a eu un truc, à mon avis, ça devait être un problème technique. Les fumigènes, ils ont largué un fumigène tout le campus était sous la fumée. Ça a rempli la fumée, juste, t'as mis de la fumée sur toute la place. C'est pour faire un brouillard vivant. La fumée, elle est rentrée même dans Mission Équipement, pour te dire. C'était un truc de dingue. C'était un truc de ouf. Là, ils ont mis la dose. Là. C'était pour le spectacle de l'Alliance des Avengers? Je pense. C'était le spectacle du toit, là. Oui, c'est celui-là. Je pense. Ouais. D'accord, ils ont forcé l'eau sur. Bon, bah, au moins, vous avez pu respirer un peu de l'air pur du spectacle. En tout cas, il y a ça. Et puis, il y a un autre petit spectacle, je ne le vois pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est que tu es avec Thor et Loki, il y a une sorte d'emplacement où, en fait, ils font un petit spectacle où ils testent le cœur pur ou pas des enfants. Et en fait, tu dois essayer de soulever le marteau de Thor. Donc, tu as l'équipe de Loki, un enfant qui est avec Loki, et puis un autre avec Thor. C'est plutôt, faut le voir, mais c'est plutôt sympa. Mais le problème, c'est que quand tout le monde va autour, et du coup, Vite encombré, en fait. Ouais, voilà, c'est vite encombré. C'est pas. Et ce qui est pas mal, alors ça, c'est. Je sais qu'ils font ça aux États-Unis, mais ce qui est pas mal, notamment en Californie, ce qui est pas mal, c'est que t'as des Avengers de base, donc t'as Thor, Loki, Captain Marvel, Iron Man, mais des fois, en fait, tu as des personnages qui arrivent, et on a eu Hulk il y a pas longtemps. Oui, voilà. Je l'ai vu, Hulk. Tu l'as vu? Est-ce que c'était bien? Parce que j'ai pas eu le temps de le voir, je suis arrivé le dernier jour et j'ai pas eu le temps. C'est hyper étonnant, parce que j'ai eu la chance de le voir trois fois, parce que les trois fois où j'étais allé, il était encore sur le parc. Donc le premier jour, il y avait un monde pas possible, c'était un peu compliqué, mais j'étais derrière les gens et je l'ai vu rentrer. J'ai vu le haut de son corps. Et franchement, c'est super bluffant. Il a les yeux qui pétillent. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il y a Hulk sous le costume. Donc, la première fois que je l'ai vu, j'étais très, très impressionné. Et puis, les autres jours, bizarrement, il y avait beaucoup moins de monde. Et quand il sortait, les gens passaient devant, la plupart, tournaient la tête et s'arrêtaient pas. Oh là là. C'est un mec qui est dans un exosquelette, je suppose, non? C'est ça, tout à fait. Alors, tu es porté, hein. Putain, la vache. Ouais, c'est pour ça. Il n'est pas resté longtemps parce que le gars venait carrément de Californie, hein, d'Avengers Campus Californie. Il fallait avoir un truc. Pour une formation spécifique, je crois. Et donc, du coup, quand je l'ai vu la deuxième fois, je l'ai trouvé un peu moins impressionnant parce que j'avais plus la surprise. Et il y a une certaine raideur dans les mouvements des bras ou. Mais un peu Lego, non? Ça faisait un peu Lego sur les vidéos. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est quand même super bien fait. Il arrive quand même à bouger les mains. C'est quand même super impressionnant. Et je vois bien appliquer cette technique pour Sully ou, tu vois, ou Baymax ou en armure ou dans le futur. Ça peut être sympa. C'était vraiment impressionnant à voir. Ouais. Donc, il parlait en français et en anglais, mais c'était des bandes sonores. Ouais. Hein, ça tournait en boucle. Ouais, c'était pas une interaction. Voilà. Et de nuit, je ne l'ai pas vu, pardon, excuse-moi, je te coupe. Je l'ai vu, il y a des gens qui l'ont vu en fin de journée et le casque s'illumine. En fait, il y a de la lumière sous le casque, en fait. D'accord. C'est super beau. Et ça va l'air hyper impressionnant, oui. Ah, faudrait que je regarde sur YouTube si je vois une vidéo comme ça. Et il y a aussi d'autres personnages qui ont pu intervenir. Alors, c'était en fonction des films. Il y a eu Mighty Thor. J'ai été vu. Mighty Thor, j'ai eu la chance de l'avoir vu. Elle était sur le Queen Jet. Elle était au niveau du Queen Jet. Et il y avait Black Panther, mais. La version Shuri. La version Shuri, alors là, je l'ai vu. Moi donc, aussi, là, j'ai vu. Elle, j'ai vu. Ça, je l'ai vu aussi, ouais. Rien. Bon, après, on n'est pas non plus comme aux États-Unis où à peine sorti. Enfin, je vois, il y a Moon Knight à l'époque. Hein, Laurent, Moon Knight. T'avais Moon Knight qui était sorti aux États-Unis. On n'est pas à ce niveau-là. Aux États-Unis, pas chez nous. Mais pas chez nous. Mais je trouve ça bien, en fait, qu'ils mettent des personnages. Et actuellement, en Californie, ils ont remplacé Gamora dans Gardien des Galaxies par un Mantis. Par Mantis, ouais. Ah ouais! Ouais, serait pas mal d'avoir. Ouais, en plus, la cast américaine, elle est super. Elle arrive bien à serger l'actrice. C'est très drôle. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est appréciable parce qu'en fait, t'as quand même un sort de pot commun d'Avengers. Et puis, t'as eu quand même quelques exclusivités. Bon, après, c'est limité dans le temps. C'est un peu. Tu vois, j'aurais bien revoir Shuri parce que je trouve que le costume était magnifique de Shuri. On la reverra. Anthony, tu l'as peut-être vu, mais. Shuri, je l'ai vu. Ouais, j'avais eu l'occasion de l'avoir. Magnifique. Ouais, franchement, elle est super belle. Donc c'était plutôt après, pas mal. Le truc c'est que c'est des costumes qui tournent en fait un peu entre les parcs et je pense pas que c'est des costumes qui demeurent à DLP. Ouais. Sinon, faut aller comme sur le Mando, parc. Comme Mando, non, il paraît que ils en avaient qu'un et que c'est pour ça que c'est aussi. Mais à Mando, il y a des rumeurs comme quoi il aurait été acheté par DLP aussi, donc c'est un peu. Bon, bah, c'est un on, peu... Moi, on m'a dit que ça serait. J'ai discuté avec des castes au Star Wars Day. Ouh, monsieur a discuté avec des castes. Ouh. Et j'aurais posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ils ne le sortent pas tout le temps? Pourquoi? Et en fait, a priori, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, ça serait un costume prêté par Disney World. Disney World. Oh. Ils en ont plusieurs, ils en ont deux ou trois, je crois, et ils le prêtent de temps en temps. Ouais, et puis il suffit qu'il y en a qu'un qui le mette et qu'il ne tourne pas à deux, trois. Voilà, ouais. Ouais, ça paraît évident. A priori, ça serait un Américain aussi qui viendrait. Ça serait pas un cas, d'après ce que j'ai compris. Bon, je vois pas pourquoi il ramènerait un Américain. Alors, pour l'exosquelette de Hulk, je comprendrais, mais pour mettre un costume de Mando. Bah, pour manipuler Grogu. C'est pour manipuler, ouais, c'est ça. C'est la partie quoi, animatronique Grogu, de Grogu. D'accord. Ouais. Ah, d'accord, ce qu'il manipulait. On voulait prendre une photo, mais il y avait tellement de monde que pff, ça fait demi-tour. Alors, moi, je l'ai fait et j'étais super content de l'avoir fait. Mais j'ai fait 2 heures d'attente. Ouais, j'ai fait deux heures dans le froid, sous la pluie. Pour mémoire, t'as une fille de 9 ans qui peut supporter 2 heures. Alors non, hein? Non, j'étais tout seul. D'accord, c'est encore mieux. Parce que moi, des attractions Salomé, elle peut tenir à la limite 2 heures, je suis même pas sûr. Mais alors la petite Clémence, c'est tout. Ah, elle l'aurait pas fait. Hein. En fait, j'aurais dit, écoutez, moi je vais le voir, que vous, enfin, je m'en foutais de si elle voulait le voir ou pas. Enfin, moi j'allais le voir, c'est sûr. Et en fait, après, quand elles sont revenues, et puis le cast nous dit, ah, mais elle peut vous rejoindre. Donc du coup, la petite a aussi pu faire des photos avec. Les castes ont été bien sympas. Après, c'était le premier jour que je l'ai fait. Il y avait des influenceurs, des sites, machin, etc., qui eux, en fait, n'ont pas fait la file du tout. Il y avait un gars qui était dans la file, et puis ils sont ramenés à 15, tu vois. Donc je lui dis, ok, nous on arrive à 2, on est. Pourquoi les influenceurs ont le droit de passer devant vous? Parce qu'il y avait une personne qui était devant et qui attendait pour eux, en fait. Et après, ils sont ramenés, je crois, ouais, ils étaient. Il y en a 2 qui ont fait ça, ils étaient quasiment. Et les castes, ils ont laissé faire ça? Les castes ont laissé faire ça, oui, il y en avait un qui ont dit, oh, mais oui, allez-y, passez, machin. Donc voilà. J'avais été un peu déçu avec ça. Personne n'a vu, parce que c'est un truc, moi, j'ai eu. Hein. Bref, rien à pas, faire. Pas vraiment, non, il n'y a pas eu grosse réaction. Bon, après, voilà. Je connais Laurent, il aurait distribué des pains. Ah ouais, sûr. Sûr. Un coup d'objectif dans la tête. Ouais. Tiens, ma 4K, ouais. Tu vas voir. Ah tiens, tu vas voir mon fichier. Paf. Voilà. On va parler. Donc, on a fait les interactions, on a fait les spectacles, enfin les rencontres personnages. Voilà, donc pour dire que, en fait, c'est pas mal pour les enfants, c'est même très bien pour les enfants. Donc voilà. Et on va parler de nourriture. Ouais, très bien. Et un peu d'alcool. Oui. Mais il n'y a pas de margarita. Donc je suis désolé, on ne parlera pas de margarita, les gars. Ça viendra. Si vous pouvez le glisser, vous le glissez. Voilà. Alors il y a de nombreux coins, pardon, on va dire food truck. Il y a des food truck. Ouais. Il y en a 2, un sur le thème de Spider-Man, où vous avez. Pour la première fois dans le parc, de la sorte de cuisine asiatique, une sorte de soupe de nouilles. Ouais. Alors, il y en a au poulet, aux crevettes et, je crois, au tofu. Ouais. Voilà. Sachant qu'à la base, au tofu, voilà. Et à la base, je crois que c'est le poulet qui n'existait pas à l'époque et je crois qu'il est apparu il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le poulet qui a été rajouté récemment. Ouais. Vous avez des boules coco. Bref, il faut aller voir, mais bon, les gens verront sur le site internet. Mais voilà, c'est une offre assez. Je veux dire, c'est une offre asiatique. De repas asiatiques, enfin voilà, ça cale bien, il paraît, les soupes chinoises, il paraît. J'ai goûté là juste avant d'aller au PIM, très très bon la soupe au poulet, franchement. Mmh. Bah, je connais que celle aux crevettes, moi. Ah, ouais, plus haute crevette, Tony goûtera celle au tofu. Ça, on fera, j'en ai de chance. On fera un podcast sur que la bouffe. J'ai goûté la soupe. J'ai goûté la soupe. Elle était comment? Chaude. Oh, voilà. Heureusement. Vous avez, alors, je vais pas trop en parler parce que justement de ce food truck, parce que je pense qu'il faut le découvrir par soi-même, ce food truck là. Il est un peu plus loin au fond, vers la sortie, à gauche. C'est un food truck qui propose des hot dogs, c'est pas très original non plus, ouais. Mais en fait, c'est bourré de références aux comics, c'est à la fois aux comics et au MCU. Enfin, toute une histoire. Voilà. J'en dis pas plus parce que je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, il faut que les gens le découvrent. Ouais. Y a pas que un bouclier et un marteau, il faut vraiment tout. Tellement de micro-refs à tout, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien foutu. C'est bien fait. Et vous avez, alors par contre, on va commencer par le petit resto, si on peut dire ça, si on peut appeler ça un resto, c'est l'ancien Café des Cascadeurs. Mmh. Ouais, c'est le Super Diner. J'adore, qui a mangé? Moi, 2 fois. Alors? Bah, j'adore. Quel est le menu? Bon, je le connais aussi, mais vas-y, quel est le menu? Bah, c'est le fameux Ruben, là, le sandwich américain. Alors, qui connaît l'origine de Ruben? Laurent, je crois qu'il connaît bien. C'est un peintre. Ouais. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Laurent connaît parce que lui, il est made in USA. Alors, explique-nous d'où vient ce sandwich à la choucroute. Est-ce qu'il vient d'Alsace? Non, ça vient d'Allemagne. Alors, du coup, raconte-nous l'histoire de ce sandwich. Bah, j'espère ne pas raconter de bêtises. C'est pas grave parce que tu vas avoir un mauvais commentaire. Voilà. Non, en fin de compte, New York a été, une porte d'entrée des États-Unis de tous les immigrants européens. Et il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont émigré à New York. Et plein de communautés. On sait qu'il y avait des communautés asiatiques, communautés allemandes. Et dans les communautés allemandes, il y avait aussi des religions. Il y avait aussi beaucoup de juifs. Et donc, quand ils sont arrivés à New York, ils avaient bien sûr un peu le mal du pays. Ils se sont dit, ils vont faire une recette de sandwich qui va leur rappeler un petit peu l'Allemagne, la choucroute et le bœuf finement haché. Et voilà, dont le Ruben. C'est le nom, d'ailleurs, le Ruben, une connotation juive. Et donc, c'est vraiment... je trouve que c'est une belle histoire. Ça invite vraiment au voyage. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de bretzel à New York? Alors, le bretzel, oui, il vient d'Allemagne. Mais pas que d'Allemagne, il vient de l'Est de la France aussi. Hein, je crois à Strasbourg. Je ne connais pas trop Strasbourg, mais je sais qu'en Allemagne, ils mangent énormément de bretzel. Je pense que ça vient de là aussi. Hein. En tout cas, il y a un choix de sandwich. Bon, enfin, c'est le Ruben classique. Enfin, je crois que c'est ça. Et t'as la version vegan, je crois. Il y a une version vegan, il y a une version sans choucroute pour les enfants, de mémoire. Ouais. Mais par contre, rapport qualité-prix, il est pas cher. Enfin, pas cher. C'est dans les 11 euros, je crois, le sandwich. C'est ça. Et le cadre est vraiment super sympa. Et tu manges dans un diner américain. Et souvent, tu tournes la tête, tu vois Spider-Man passer par la fenêtre. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Et en plus, tu t'assois devant les cuisiniers, ils sont en train de le faire. Ouais, c'est top. Ouais, ouais. Tu te croirais vraiment aux États-Unis, quoi. Il manquerait plus qu'ils nous servent en roller, tu vois. Et c'était nickel. Il n'y a pas la place. Comme chez Annette. Comme chez Annette. Il n'y a pas la place, oui. Voilà. Ouais. Chez Annette, tu peux. Mais là, c'est un peu difficile. Mais voilà. Et il y a un gros resto. Alors celui-là, mamma mia. Bon, il parle italien, mais un gros resto qu'Olivier a goûté. Bah, tu l'as connu que ce week-end, du coup, quand on s'est vu. J'avais visité, mais je le sais. J'avais déjà mangé, toi, Tony, là-bas. Ouais, j'ai fait. Et Laurent aussi. Quasiment une semaine après l'ouverture, on était allé très très tôt sur le parc. Donc, ouais. Et nous, on y mange quasi à chaque fois qu'on y va. dès que j'y vais, tu vois, là, j'y vais le 2-3 juin, j'ai réservé. Donc voilà, c'est le fief. Voilà, c'est le fief. Donc c'est le Pim Kitchen, où on est dans le laboratoire, on peut dire comme ça, de Pim. Et on est dans son labo et on mange. Et quelle est la particularité de ce restaurant-là? C'est que vous avez des choses petites, des choses grandes, vous avez de la mayonnaise bleue, vous avez plein de choses. Alors, Olivier, vu que c'est toi qui es plus frais, on va dire, qui l'a connu. On va dire plus récemment. On ne fera pas de blague sur l'âge aujourd'hui. Non, récemment. ça c'est pas cool. Toi, tu l'as vu plus récemment. Est-ce que tu as bien aimé? Alors, l'ambiance et la bouffe. L'ambiance, j'ai adoré. Je connaissais un petit peu parce que j'ai déjà fait un tour dans le restaurant. J'y avais jamais mangé parce que je trouvais jamais de réservation au moment où je voulais y aller. Donc c'était une découverte totale pour moi au niveau nourriture. Je t'avouerais que la nourriture m'a quand même déçu. Je trouve pas ça très bon gustativement. C'est pas très savoureux, on va dire. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pour le prix que tu payes, je trouve que ça manque de saveur. Après, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu parles du petit et du grand. Quand tu vois le grand burger. Qui est servi, enfin tu prends, qui est coupé, hein, on donne des bouts de burger géant, j'y crois pas une seule seconde. En fait, tu vois que il est trop ras plat, enfin tu vois que c'est un faux burger géant en fait, hein, c'est un grand pain avec du steak. Je trouve que là ça fonctionne pas. Et du coup, ça te sort un peu du truc, je trouve. Les mini-burgers, bah, y a rien d'étonnant, on en trouve partout. Hein. Même chez nous, en surgelé ou dans n'importe quel restaurant. Je trouve pas ça dingue. Après, j'ai pas trouvé ça fou, point de vue visuel, de la nourriture. Je crois que c'était un peu mieux, d'après ce que j'avais pu cru voir dans les vidéos, au tout début de l'ouverture, je crois. Mmh. Oui, oui. Ouais, tu confirmes. Oui, hein. Oui, oui, je comprends. Après, donc, bah voilà, il y a effectivement la gelée bleue aux framboises que j'ai trouvée super bonne. Alors, ils font plus qu'avant. T'avais une gelée bleue avec une framboise dedans. Et ouais. J'ai l'impression qu'ils la font plus. Bah, j'ai pris de la gelée bleue l'autre fois et c'était des coups de framboise. Hein. Oui, mais t'avais une vraie framboise dedans. Mais d'accord. Là, j'ai l'impression qu'ils font plus. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Sinon, le restaurant et la décoration est superbe. J'avais montré une particularité à Olivier. J'ai expliqué à Olivier que Rotman, bon, tu le savais déjà, je suppose, mais que les particules rouges rapetissaient et puis les particules bleues rapetissaient. Et l'écran, en fait, en haut, tu avais une interaction avec le fluide qui passait. Donc, tu avais, par exemple, c'est le fluide bleu passé, donc tu avais une lumière bleue et ça rapetissait le légume ou le fruit qui passait. Mmh. Et si tu regardes bien. Il y a un lien avec Spider-Bot, Spider-Web, parce que des fois, tu as des Spider-Bot qui passent. Je me fais attention, ça. C'est rare. Bah, t'as des Mais je l'ai vu en vidéo. Souvent, mais... Et on a beaucoup de chance par rapport aux pins américains qui, lui, ressemblent plus à un Stark Factory, en fait. C'est un grand hall avec, pareil, le même principe, les aliments qui rétrécissent et qui grossissent, sauf qu'eux, ils ont des vrais aliments qui sortent. C'est-à-dire que t'as un bretzel géant qui sort, c'est un faux vrai bretzel. Et tu l'attrapes comme ça et tu le manges. Tu pourrais, en fait, il est tangible, en fait. Mais c'est plus des plats emportés, c'est comme Stark Factory, en fait. D'où c'est vraiment du service, c'est plus du self, en fait. Et toi, Tony, du coup, est-ce que tu l'apprécies, ce restaurant? Bah écoute, moi, j'avais bien aimé. Alors, effectivement, la cuisine, c'est pas de la grande cuisine, mais ça passe. Alors, bon, effectivement, c'est vrai que pour le prix, c'est un peu dommage. Maintenant, c'est le prix de à peu près tous les buffets sur le parc. Donc, voilà. Le Plaza, c'est le même prix, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le même prix partout. Donc, bon, ouais, mais c'est meilleur quand même. Honnêtement, j'ai pas trop mal mangé. Ça m'a bien plu quand même. C'est pareil, enfin, je trouve que j'ai pas. La Graba, c'est meilleur. C'est différent, quoi. Tu vois, mais la qualité des produits n'était pas déconnante quand moi j'y étais. Alors, encore une fois, moi, j'y suis allé vraiment, je pense que c'était une semaine ou deux après l'ouverture. Donc, peut-être que la qualité était peut-être un peu meilleure. Oui, elle était mieux, oui. Ouais. Mmh. Donc, moi, j'avais vraiment apprécié. J'avais bien aimé, c'était les croutons géants pour la salade César. Ils sont encore, c'était vraiment cool. Ouais. Et c'était à l'époque le seul endroit où on pouvait avoir des corn dogs à Disneyland Paris. Et ça, c'était intéressant. Oui, mais maintenant, il y en a ailleurs. Oui, il y en a ailleurs. Ah oui, maintenant, tu les as ailleurs, mais à l'époque, c'était le seul endroit où tu pouvais en avoir. Et honnêtement, j'avais bien mangé, c'était plutôt sympa. Le bretzel géant, c'était cool, mais alors, je trouve ça pas mal que maintenant, ils le mettent sur demande parce que, bah. Au final, il y avait quand même beaucoup de gaspillage. Ça, faut s'en plaindre à Laurent. Parce que lui, anecdote. Laurent, s'il te plaît, sans l'anecdote, tu vas vite comprendre pourquoi. Vas-y, sans l'anecdote. Bah, je crois que j'ai dû garder un bretzel presque un an, quoi. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que le mec, collector, il arrive à l'ouverture du kitchen, et on lui pose un bretzel, il le prend, il le ramène chez lui, il le cloue au-dessus du lit. Voilà. Le machin, il est sec comme une brique. Mais c'est pas grave, c'est ma religion. Ça fait ta déco. Oui, c'est ça. C'est. Voilà. Et souvenir gratuit. Il a dit qu'il pue, ton bretzel, faut que tu l'enlèves. Était tout sec. Comme un bretzel d'apéro. Il est où maintenant, bretzel? Est-ce qu'il est encore cloué au-dessus du lit? Non, il est parti en recyclage. T'aurais pu le vendre sur Vinted, je sais pas, au moins 70 balles. Premier bretzel du Pink Kitchen. Ça aurait pu marcher. Ça pourrait te payer ton pass annuel pour les 5 ou 6 prochaines années, en fait. Franchement, il y a des gens qui seraient prêts à lâcher. Pour déconner, j'ai récupéré les cartes, tu sais, Gardiens des Galaxies. Je les ai, et Laurent en est témoin. Et je les ai. Pour déconner, je me suis dit, tiens, je vais voir combien ça se vend sur Vinted. C'était 33€ la carte. Oh là là. Non. Tellement fort. Ah si, je t'ai montré. Ah non, t'étais pas là lundi, t'étais parti. Non, je les ai récupérés lundi avec Cédric. Donc, ouais. 33€ la carte. Ouais. 33€ la carte. C'est abusé, quoi. Ouais. Tiens, je serais curieux de voir s'ils ont fait la même chose avec les trucs de réouverture de Small World. Oui, j'en ai 4 à la maison des cartes It's a Small World. Ouais, c'est ça. Du coup, Tu parles, disque c'est limité, les cast members, il arrive, et tiens, je m'en débarrasse, prends. Moi, j'avais eu un coup de bol, c'était qu'on n'avait pas eu les cartes d'Halloween. Enfin, je crois que c'est les seules qu'on a, c'est celle d'Halloween. Et il y a une des filles qui est avec nous chez Mesa, qui en fait, elle va souvent sur le parc, elle a un podcast qui lui en a donné quelques-unes, et du coup, on a pu avoir celles d'Halloween, parce que, bon, on n'était pas sur le parc quand il les avait données. Mais du coup, ouais, il lui a filé un paquet, quoi. Donc, c'était vraiment. Voilà. Il me manque ceux de Ant-Man et la Guêpe. On a que celle d'Halloween, je crois, et peut-être une de Noël, mais sinon on a pas beaucoup. Ceux de Star Wars, j'ai pas pu en avoir, hein. C'était l'horreur. Ouais. Pourtant, je te donne des infos. Ouais, mais c'est parti tout de suite, on m'a dit. C'était limité, je crois. Hein. Il y avait pas beaucoup. Il est apparemment limité, c'est comme... limité. Hein. Ouais. Oui, c'est voilà. Bah, du coup, t'aurais pas là, bah t'aurais pu les revendre sur Vinted après la peau des fesses et puis rembourser, comme dit Tony, ton pass annuel, peut-être même le prochain qui va coûter moins 800 balles l'année. Voilà, tu aurais pu au moins te faire de l'argent. C'est pas grave. Du coup, le Pim Kitchen, alors il y a la bouffe, mais aussi l'alcool et les softs. Voilà. Alors il y a le traditionnel, mais il y a aussi des cocktails. Est-ce que vous avez essayé des cocktails softs? Ouais, moi j'ai essayé celui qui change de couleur là avec. Ouais, moi aussi. C'est quoi, avec du Sprite ou un truc comme ça là? Je sais plus trop. Mais, C'est bleu et tu mets un. Ça devient violet. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais, mais par contre, pour le prix, je trouve que tu le fais une fois. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu cher. C'est de la glace pilée, et du coup. Mais en fait, c'est et... ça, t'as la moitié du verre, c'est de la glace. T'as quoi 2 centilitres de Sprite dedans et puis 2 gouttes de colorant, quoi. Donc, ouais. Donc ça devient violet, mon souvenir. Ouais, c'est ça. Et il y a le chardonnay bleu. Alors, Olivier, qu'as-tu pensé du chardonnay bleu? Il était pas mauvais. Oui, il était pas mauvais. C'est rigolo quand même. C'est ça. Chardonnay, envie d'en reprendre. Est-ce qu'on en a pas parlé? Oui. Très bien. Ouais. Attends, je vais mettre en mute. C'est mieux. Et ce qu'on a pas parlé, c'est de la vaisselle. Donc les verres, des vaisselles, des fourchettes et des couteaux. Oui, enfin les assiettes et les fourchettes, mais les verres, c'est très sympa. Ah mais attends, ma femme est laborantine. Elle, quand on est allé là-bas, qu'elle a vu donc du coup du bois dans des bécheres, des trucs comme ça, elle était mais à fond quoi. Elle dit mais c'est trop génial, tu peux boire dans un Erlen, machin et tout. Ramenez-moi le bec benzène, à fond comme ça, quoi. Je te jure, elle était vraiment bien lancée dedans. Et ouais, ça m'a fait rire. Parce qu'en général, c'est plutôt moi qui fais à fond quand il y a du Star Wars, des trucs comme ça, tu vois. Et puis là, c'était elle qui était vraiment. C'était assez drôle. Un Total Burger BB-8. C'est tout ce que t'as. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas super gâteau. Je sais pas combien de temps qu'il est là, celui-là. Mais... Ou le très moche gâteau. Yoda. Yoda, oui. Ou la glace Yoda aussi. Oui, la glace aussi qui est assez. Tu la trouves partout, hein, tu la trouves en supermarché, la glace Yoda. Ouais, celle-là, oui. Ouais, elle marche, hein, parce que je vois toujours des gosses avec. Parce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Non, vaut mieux que t'aies pas entendu. Il a dit une bêtise, je pense. C'est parce qu'elle a des pieds qu'elle marche, mais voilà. Ah, d'accord. Okay. C'était pas fou. Non, mais ça passe. T'as fait mieux, Tony. Oui, j'ai fait mieux. Ouais, mais attends, c'était drôle. Oui, c'est vrai que celle-là était bien. Et il y a un restaurant moyen. Voilà. Enfin, je dis moyen parce que c'est vrai, j'ai classé par prix à peu près, si on va dire ça. C'est le Star Factory. Alors, beaucoup de gens l'aiment. Enfin, voilà. Bon, pas forcément par son prix. Tony, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le Star Factory? Ouais, alors, déjà, juste la déco, Hulkbuster. Voilà, oui, c'est tout. Oui. Hein, voilà, au revoir. Drop voilà, mic, c'est fini. Voilà. T'as tout dit. Voilà. Non, mais en fait, déjà, rien que la déco, c'est super cool. Donc, il y a Hulkbuster qui vous accueille à l'entrée, qui est impressionnant de détails. Il est vraiment bien. Il est super beau. C'est pas un animatronique, hein, c'est juste une statue, mais franchement, il est dingue. Il y a le bureau de l'agent Carter. Il y a la partie des anciens bureaux de la SSR, etc. Donc, c'est vraiment un décor vraiment top. Et alors, niveau nourriture, en fait, c'est donc la cantine de Stark Industries. Ça, c'est le concept. Et donc, vous avez des pâtes qui sont faites sur place et des pizzas aussi qui sont faites fraîches sur place. Vous les voyez être cuites. Elles sont chaudes. C'est pas mal, ouais. Elles sont chaudes. Oui, elles sont chaudes. C'est vrai. T'as vu, je me mets au même niveau que toi. Non, je suis impressionné là. Je me sens moins seul. mais donc du coup, ouais, les pizzas sont faites sur place. Vous les voyez être cuites devant vous, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ils bougent les cast-members quand même. Ils restent pas. Oui, c'est ça, oui. Ouais, donc c'est pas mal, je trouve. Elles sont bonnes, il y a 3-4 goûts différents, il y a stracciatella, il y a jambon, il y a je crois qu'il y a une alternative veggie, un truc comme ça, enfin, donc c'est plutôt pas mal. Et alors c'est des pâtes pizza, pâtes épaisses, rectangulaires, donc voilà, vous attendez pas à avoir une pizza ronde de chez votre pizzaïolo habituel. Par contre, elles sont bien fournies, je trouve. Elles sont bien fournies. Hein. Elles sont costaudes. Pour le prix, franchement, alors elles sont un peu chères, je crois que c'est 14 euros maintenant la part de pizza. C'est 15 ouais, 15 peut-être. Ouais. Je sais bien, à l'ouverture c'était 14, mais peut-être que ça a changé. Ouais, ouais, je crois. Donc c'est pas donné. Et. Si tu prends ça plus une boisson, t'en as pour 17 balles, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Super cher. Parce qu'il n'y a pas de menu. Hein. C'est comme la grande mode maintenant à DLP, il n'y a plus de menu. Donc, aussi, il y a des menus sans dessert aussi maintenant. Ouais, ça aussi, ouais. Pour le même prix. C'est pas donné. Mais par contre, ouais, c'est. Enfin, honnêtement, j'aime bien. En plus. Enfin, voilà, je mange beaucoup moins qu'avant maintenant et du coup ça me cale vachement ce truc là pour une bonne partie de la journée quoi. Ouais, c'est plutôt bien. Il y a des desserts aussi, enfin il y a possibilité d'avoir des salades, c'est les petites salades habituelles qu'on retrouve partout. Il y a des desserts aussi, je crois qu'il y a un tiramisu, il y a un truc à la panna cotta et il y a le thunder cake ou je sais plus quoi. C'est dégueulasse, hein. Ça, c'est dégueulasse. J'ai vu une casse member, j'ai mis dans le nez, j'ai dit tiens, mange ça, c'est horrible. Mange ça, c'est comme de donner à manger ça, mange ça. Tiens. J'avais pris la toute première fois que je l'avais fait. Bon, j'espère. Alors, je l'ai tenté. Joli, très joli. Rouge et noir. Ah non, c'était la pizza ça qui était rouge et noir, parce qu'elle était un peu trop cuite. Ah oui. Oh, c'est rare. Non, mais c'était. Et ouais, en fait, il était pas terrible. Ouais, t'es pas fraîche. Quand on était retourné avec Olivier, du coup, et Olivier, j'avais repris. Je me suis dit, oh, je vais retester pour voir. Et non, toujours pas mieux. Hein, pas fou ce dessert. Non, Par contre, le tiramisu, bon, panna cotta aussi, passe bien. Donc ça va. Et alors, les boissons. J'ai pas goûté le tiramisu. Franchement, le tiramisu, il est bien. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un tiramisu maison, tu vois, mais il passe quoi. Il est bon. Il est bon, ouais. Et du coup, les boissons, c'est vous prenez votre truc boisson et puis vous allez vous servir directement. Alors, si on n'était pas en France, ce serait probablement des boissons à discrétion. Mais comme on est en France, il n'y a pas le droit d'avoir des boissons. On a une loi qui nous interdit de permettre limiter. Avant, ouais. Quand t'allais au KFC avant, tu t'avais illimité, t'avais des fontaines en France. Ouais, c'est juste, ouais. Je ne peux plus. Bon, après c'est pas plus malin, enfin bon, c'est pas le débat, mais moi je sais que quand c'était illimité, enfin j'y allais pas tout le temps, enfin je sais quand je vais aux États-Unis, c'est que quand je vais au In-Out Burger, quand j'y vais, t'as illimité, mais j'y vais qu'une fois. Oui, c'est ça, en fait, en général tu vas une fois, c'est fin. Il devrait le faire pour la margarita, ça, par contre. Ah là. oui, il pourrait. Ouais, je pense pas que ce soit en libre service quand même. Et ça serait fun. Ouais. Moi, je propose que la prochaine fois, quand le restaurant Coco là va rouvrir, je crois qu'il va s'appeler un truc comme ça en plus. Je crois, mais c'est la Casa des Coco. La Casa des Coco. Voilà, on se réunit, on prend de la margarita et puis Olive nous fait un vlog. Si on se prend une table, tu vois, on réserve une table, puis on la remplit de margarita. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais. La passanelle ne passe pas sur l'alcool, donc ça marchera pas. Mais c'est pas grave. On fera. On est prêt à sacrifier. On fera un financement participatif pour le truc. Un litchi. Un litchi. Non, on a dit c'est de la margarita, c'est du citron, c'est pas du litchi. Oh là là. J'ai honte. Il est fort. Et il y a la vaisselle aussi Il y avait la vaisselle, ouais. Au début, il y avait la vaisselle qui était marquée Stark Industries. Et ça a duré quoi, 3 jours? Le temps qu'il se fasse voler tout le sac. Prendre carrément les bocs et les mettre dans son sac. C'est incroyable. C'est comme les trucs McDo, tu sais, quand ils ont interdit la vaisselle jetable, ils sont tous mis à voler ça. Ouais. Des fois, les gens, voilà. Et ce qui est bien aussi, alors, du coup, dans ce resto, c'est que tu as différentes salles, c'est thématisé, et notamment, il y a une salle Captain America. Oh, c'est bourré de refs, notamment sur le Captain America, pas celui qu'on connaît moderne, mais le Steve Rogers des années de guerre mondiale, quoi. C'est vraiment. Tu as même une photo de l'acteur, là, comment il s'appelle, Chris Evans. Chris Evans qui est là. En... Et d'ailleurs, la photo, c'est la même que tu retrouves dans le film. C'est... Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est le bureau de l'agent Carter, donc c'est le bureau de la série Carter. Avec qui il était, hein, comme dans la série Agent Carter, comme dans le film. C'est aussi qu'on retrouve à la fin de Endgame. Bon, je spoil un film qui a 3 ans, donc ça va, hein, même un peu plus. C'est bon. Mais du coup, ouais, c'est vraiment c'est son bureau à elle, en fait. C'était son bureau à la SSR à Paris. Puisque bah, voilà, la Stark Industries, c'était en fait un... Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le Land, c'est qu'en fait, il y a une histoire au Land. Ouais. Que c'est une ancienne usine de Stark Industries dans laquelle il y avait des bureaux de la SSR, donc l'ancêtre du SHIELD, qui était là, donc un peu en mode incognito. Et qui ont été après réutilisés par Tony pour créer les Avengers Campus, pour recruter de nouvelles recrues et éventuellement les entraîner à devenir des super-héros. Il y a le côté aussi atelier de Tony Stark qui est sympa là, sur le côté gauche. Oui, alors justement, il faut bien regarder, c'est bourré de détails. Il y a les armes de Black Widow. Je me suis posé. Je me suis assis, et j'ai tout regardé, machin, t'as plein de références au film, notamment au premier Iron Man. Donc, c'est une réussite, ce restaurant. C'est vraiment une réussite. Et ça, de manière générale, je trouve ça dommage. Alors, c'est peut-être parce que nous, on est pas annuel et puis voilà. Mais on ne prend pas son temps pour regarder les choses dans le parc. Je vois, par exemple, mon père est venu avec moi récemment. La dernière fois qu'il était, c'était en 1992. Mmh. Pour te dire. Il arrive en 2023. Toi, il arrive 31 ans après. La dernière fois qu'il était, c'était... Non, il a été en 92 et en 95. Tu vois, je fais une connerie. Et depuis 95, il n'y avait pas été. On arrive, la première chose qu'il a fait, c'est de quand on allait dans une boutique, Lodge, il ouvrait les yeux et il regardait partout, il écoutait la musique, etc. Alors que les gens, ils courent, ils tracent pour faire telle attraction, machin. Ouais. Et donc ça, il a fait ça pendant une journée. Il a fait 2-3 attractions, mais il voulait vraiment tout regarder. Le deuxième jour, pareil. Et il voulait tout scruter. Bon, le troisième jour, il fallait qu'il reparte, mais il veut revenir parce que pour lui, j'ai pas fini de regarder tout ce que je voulais regarder. Mais les boutiques, c'est de tout le parc en général. Hein. Ouais, il y en a partout. En hauteur, c'est un truc de dingue, tout ce qu'il y a. Effectivement, tu peux passer la journée qu'à faire ça. Hein. Ouais. Donc, dans ce restaurant-là, tu peux te poser et regarder en haut. Enfin, surtout dans cette salle-là, c'est à gauche. Tu te poses, tu regardes juste, comme tu dis, il y a les bâtons. Les bâtons de Black Widow, il y a une des premières armures d'Iron Man, enfin t'as des doses de vibranium, enfin c'est vraiment, enfin voilà, il y a une salle vraiment, il y a rien, c'est celle tout à droite là où t'as l'impression d'être en un hangar, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et vous avez aussi, alors c'est pas dans l'Avenger Campus, mais si vous allez à, il y a possibilité d'aller à l'hôtel New York Art of Marvel, qui a pas de lien avec Avengers Campus, mais si tu restes dans tu veux rester dans le Marvel, tu peux toujours y aller. Et dedans il y a, alors, le skyline. Donc le skyline. Voilà. Alors Tony, qui a été au skyline, skyline. Tu as été? Le skyline, non, c'est le seul que j'ai pas fait parce qu'on en fait on a fait le Bleecker Street, mais on n'a pas fait le skyline parce qu'il était pas ouvert en journée, et le seul jour où on aurait pu le faire, c'était au moment où on repartait, et on s'est dit on va vite le faire, et en fait il y avait une file de malades, parce ça aussi on l'a fait en fait au moment de l'ouverture de l'hôtel. Je crois qu'on a été une semaine et demie après l'ouverture de l'hôtel. Là on s'est fait un petit plaisir parce qu'au final le budget ça piquait quand même. Même la nuit d'hôtel, hein, je crois qu'on a payé, c'était 600 balles la nuit. Hein. Ouais, c'était abusé. À l'ouverture, c'était abusé, mais voilà, c'était fin de Covid, on n'avait plus été depuis super longtemps. On s'est dit, allez, on y va, all-in. On se fait plaisir. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'était mis 500 max, et puis on a vu, c'était 600, je crois, un petit peu autour de 600. Je me suis dit, bah allez, ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus été en vacances, allez, on le fait, quoi. Donc, chérie, le plan épargne logement, il est mort. Ouais, c'est ça, quoi. mais clairement, ça a fait un beau budget. La maison attendra 2 ans pour la construire. Mais du coup, c'est le seul qu'on a pas fait là-bas. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Il est sympa parce que t'as l'impression d'être sur les hauteurs d'une tour new-yorkaise, et tu as en face de toi le bâtiment des Avengers. Ouais. Et tu vois des fois Spider-Man qui passe, le Queen Jet, et je pense qu'il n'y a pas Iron Man des fois. Et ça marche avec en temps réel, c'est-à-dire que s'il fait jour dehors et que la nuit tombe, la nuit tombe en même temps. Et une fois, moi, il y avait un écran qui ne marchait pas. Ah mince. Ah mince. Il y a un casse-membre. Ça doit casser le truc, ça, quand même. Alors, du coup, je voulais prendre en photo l'écran qui marchait pas et il y a un casse-membre qui est venu me voir. Il me fait nana, nana. Il prend pas la photo. Ah. Ah. Donc, bah, je respecte clairement le règlement. Je lui dis non, mais c'était pas forcément pour publier. Il me fait non, non, mais je peux pas vous laisser prendre la photo d'un écran qui ne marche pas donc, dans le restaurant. Je suis bon, bah voilà. Voilà. Ah, c'est. Enfin, ouais, après c'est logique, mais c'est chaud. C'est, oui, c'est pareil avec les attractions, ils veulent pas casser la magie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Je t'avoue que ça casse le truc quand même. Hein, parce que, tu dis parce que c'est des écrans. Il est réveillé. Il est réveillé. Le seul truc dommage, je trouve, de ce bar. Pour que ça soit vraiment top et l'immersion totale, ils auraient dû le mettre à l'étage tout en haut. Ouais, ça aurait été pas mal. Plus en hauteur, ça aurait été beaucoup plus crédible. Tu rentres au rez-de-chaussée tout de suite et paf, tu as une vue sur le haut d'un building comme si tu étais en hauteur. Je trouve. Après, une fois que tu es dans le bar, ça va, t'as oublié. Ouais, enfin, t'aurais vu sur quoi? Sur le Billy Bob en bas? Non, mais justement, t'aurais eu les écrans, mais qu'ils te fassent monter dans un ascenseur, tu vois. Ou alors ils t'auraient mis un faux ascenseur, tu vois, ou un truc, ça aurait pu être drôle. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça aurait fait beaucoup d'immersion pour juste un hôtel où au final, il y a quand même beaucoup souvent de la file. Ah, ou le faire vraiment un étage. Alors le faire à l'étage, l'hôtel. Au dernier étage, par exemple, ça aurait pu être sympa. Mais il y avait, je pense, à un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait le bar du club qui était à l'étage à un moment donné des chambres. J'ai des amis qui ont été surclassés, je crois qu'ils y sont allés, oui. Ouais, c'est ça. Y a un bar. J'ai l'impression que tout le monde est surclassé dans cet hôtel-là. Bah, pas moi. Hein. Ah, moi, à celui-là, j'ai pas été surclassé. Bah, nous, une fois, on a été au centre taffé et le gars, il fait en fait, on vous envoie au Sequoia Lodge. Oh, ah oui. Ok, bon, bah, donne. Vas-y, j'y vais. C'est ça, quoi. Voilà, vas-y, j'y vais. Bon, du coup, puis il était pas mal, la chambre. Donc, voilà. Bah, Tony, la prochaine fois, il sera surclassé au DLH avec la chambre. Ah, si je pouvais. La chambre Tiana pour Tony. du coup, ce qui est bien dans ce bar-là, parce que c'est un bar, hein, tu peux y manger, tu as quelques milliardises qui coûtent la blinde, mais tu as quelques milliardises thématisées. Mais tu peux boire des cocktails avec alcool ou sans alcool, thématisés par rapport à certains Avengers. Nous, le dernier qu'on a fait, c'était il s'appelle le Ravageur, mais c'était Gamora avec du piment. Voilà. Ah, j'adore. Sympa. Ouais, il y a bon. Mais il n'y en a qu'un seul qui a mangé les piments, c'était Laurent. Enfin, il n'en a mangé qu'un. Voilà. Donc, voilà. Mais il a couru aux toilettes après. Donc, Ouais. C'était avant ou après le pime? C'était juste après. Ça aussi, tu avais bien mangé et puis après tu te tapes ça. Ah, c'est chaud. Et il y en a un que j'ai pas fait. Alors, je sais pas si vous l'avez peut-être fait tous les trois, mais c'était le Baker Street. Non, pas Baker Street. Du Baker Street. Je confonds avec Londres. Bleecker Street. Bleecker Street, oui. Oui, je sais pas où Baker Street, je sais pas où j'ai ça. Bleecker Street. Alors, vous l'avez fait tous les trois, vous? Ouais. Ouais. Alors, je sais qu'Olivier, il adore manger un café frappé là-bas, si j'ai bien compris. Ouais, enfin, boire un café frappé. Boire. Alors, du coup, raconte-nous comment... Eh ben, en fait, c'est souvent, c'était plus quand il faisait un peu plus chaud. Tu vois, souvent quand je vais au parc, j'aime bien, après avoir bien mangé, faire le tour du lac, des hôtels, etc., pour me détendre un petit peu. Et sur les coups de 15-16 heures, j'aime bien aller dans ce bar, prendre un café frappé Dr. Strange, que je trouve excellent et très bien décoré. Tu sais, ils ont une machine pour décorer le haut du café, la mousse. Et la mousse représente un... Ça, c'était Mickey. Non, c'est pas grave. Mickey Mousse. Mickey Mousse. Et Mario ça... Bros. Voilà, t'as tout compris. Ah là là. Vous entendrez cette blague dans un autre podcast. Tu vas la recycler. Voilà. Hein. Non, mais en fait... Mais ça donne envie, Olivier. On l'a faite il n'y a pas longtemps. Le café frappé, j'adore en fait. À chaque fois que j'y vais, Est-ce qu'on pourrait, Olivier, prendre son petit déjeuner là-bas? Parce que moi, d'habitude, mon petit déjeuner, c'est j'arrive et je vais au Market House Deli, tu vois. Je me pose le QG du matin. Je me pose sous les parasols et puis j'attends l'ouverture, etc. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire se poser tranquille et boire un café Je pense qu'ils font du café. Je suis pas sûr, c'est ouvert le matin et puis café frappé, c'est pas trop tu bois rarement un café froid le matin. Non, mais il n'y a pas de pain au chocolat ou J'en ai aucune idée, je ne suis jamais allé le matin. Je peux pas dire. Je crois qu'il ouvre qu'à 14h ou 15h, un truc comme ça, je crois. C'est possible. Hein. Ah, je pense qu'il ouvre que dans la journée. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est vrai que. Non, le petit déj à l'hôtel de New York, c'est au restaurant, c'est au Manhattan. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est au Manhattan, si tu veux. Manhattan ou dans. Priscille nous en parle. Ouais. Ça, de ce restaurant. Vous l'avez fait, vous, Manhattan et Downtown qui l'a fait ici? Moi, j'ai fait le Downtown, mais j'ai pas fait le Manhattan. Alors, explique-nous le Downtown, alors, Tony. En fait, le Downtown, du coup, c'est un buffet aussi. Et alors, c'est des cuisines... C'est quoi le prix, d'ailleurs? C'était... Alors, moi, j'ai fait il y a un mois ou deux. C'était, du coup, prix classique buffet, donc 45, un truc comme ça. Bon, après, avec la réduction pass annuel, ça devient plus abordable, sans les boissons, comme d'hab. Et là, en fait, c'est un buffet un peu cuisine du monde. Donc, il y a cuisine américaine, cuisine italienne, cuisine asiatique, où vous avez du coup vous avez des burgers, vous avez du maïs, des choses comme ça. Il y a des pâtes, des pizzas et des bouchées vapeur, des nouilles, des choses comme ça. Donc, plutôt sympa. Donc, on l'a fait avec ma fille et ma femme, ma fille a 9 ans, et pour une fois, elle a mangé un truc, elle a mangé un peu de tout, donc ça c'était cool. Ouais, plutôt sympa, par contre, petit, le niveau de. Enfin, c'est assez petit comme place, et du coup, c'est un peu bruyant, je trouve. C'est excellent, hein. C'est vraiment. Ouais, franchement, bon. La nourriture est top, c'est vraiment top. Moi qui suis un petit mangeur maintenant, honnêtement, j'ai vraiment apprécié de manger là-bas, quoi. Vraiment, c'était super bon. J'ai adoré. Ouais, vraiment top. Et alors, j'ai appris que parfois, en été, ils ouvraient une terrasse devant. Donc, ils augmentent un peu la capacité du resto. Et alors, j'ai vu une rumeur comme quoi, certains jours, quand il y avait vraiment trop de monde, ils utilisaient la salle du petit-déj du club comme espace supplémentaire pour le resto. C'est pas une légende, hein, c'est sûr. C'est vrai ? Ok. Ouais. Ok. Ouais, donc, Ah ouais, c'est super cool. Ouais, bah ouais, sauf pour les gens du club, quoi. Mais et le Manhattan du coup il est situé à côté non je suppose? Oui juste à côté oui. Et alors comment c'est le Manhattan Olivier? J'ai beaucoup aimé c'est j'y suis allé au tout début moi donc c'est à l'époque où c'était 40€ le menu je crois 45 ça a bien augmenté je crois depuis. C'est de la cuisine plus fine plus c'est plus gastronomique on va dire plus recherché le cadre est sublime c'est magnifique avec le lustre qui rappelle Asgard un petit peu. C'était super bon, super fin, et puis à l'époque ça valait vraiment, vraiment le coup d'y aller pour le prix, quoi. Ça valait largement son prix, c'était 40€ je crois ou 45€. J'ai beaucoup aimé. Alors après il y avait des petits couacs, c'était nouveau et on voyait que moi j'ai vu des serveurs très sympathiques au demeurant, hein, mais il y avait on sentait qu'il y avait un tâtonnement au niveau du service. Il y a eu quelques petits couacs. Mais rien bien méchant. Hein. Pareil, la salle est un peu bruyante, je trouve, comme tous les restaurants à DLP en général. Hein. Mais ça fait un petit moment que j'y suis allé. Je viens de regarder la vite fait, il a 55 maintenant. Ouais, voilà. Entrée, plat, dessert et 30€ pour les enfants. Quoi. Mais c'était vraiment pas cher à l'époque. Voilà, ma fille, elle pas 30€ pour les enfants, t'as entrée, plat, dessert pour eux, mais elle va te manger 3 nuggets et 2 pâtes, ça fait cher 30€. C'est combien 55 pour les adultes 55 pour les adultes et 75-75 avec les vins. Comme le Walt, quoi. Ouais, c'est comme le Walt, du coup, ouais. Par contre, tout est au choix à la carte aussi. Donc, ouais. Mais ça vaut vraiment le coup, ça à faire. Même à ce prix-là, j'ai envie de te dire, ça vaut quand même son prix. Oui, bah oui, parce qu'en fait, 55 pour un menu complet comme ça va encore quand tu es dans un restaurant un peu plus haut de gamme, ça passe quoi. Et de ce que j'ai entendu, il est vraiment, vraiment super bon. C'est vraiment très bon. Hein. Non, il le vaut vraiment, franchement. C'est qualitatif. Mais est-ce que c'est comme, par exemple, moi je vois, il y en a un, je miroitais, après c'est peut-être l'attente était énorme, j'étais chez Rémi, donc t'as le menu, je me suis dit, bon, ça doit être pas mal, tu vois, et en fait je suis sorti, je fais, Est-ce que t'as pris le steak? Je sais plus ce que j'ai pris, je peux plus te dire, mais j'ai pas... Le steak, je veux dire, je sais même plus ce que j'ai pris, je sais que j'ai bu du rosé, qui était très bon, voilà, parce que c'est moi qui ai choisi. Il se souvient du rosé, c'est bien. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Je peux choisir le rosé, donc, mais si tu veux, j'ai payé ça pour ça, ça m'a fait mal au cul quoi. Est-ce que dans le Manhattan, je peux dire la même chose, c'est-à-dire que je bouffe et je sors. Non, je suis un peu d'accord avec toi avec Ratatouille, ça vaut pas son prix, ça vaut plus son prix. Ça le valait au début. Ah ouais, ça vaut plus son prix. du... Non, ouais. Parce qu'il y a un menu qui est très très bon et très fin, c'est le menu au poisson. Mmh. C'est succulent. C'est, tu dirais, de la grande cuisine. Et une fois, j'ai pris un steak, une pièce de viande avec des frites. C'était, j'étais comme l'impression d'être à la brasserie du coin, quoi. C'est... Mais c'est basique, hein. Ouais, le steak est très... Ouais, faut pas prendre la viande à Ratatouille. Non, non, faut pas prendre la viande. Et c'était, je prendre me rappelle... la margarita, c'est ça. Et au début, ils avaient une ratatouille qui était à tomber par terre et qui n'ont plus, ou qui n'a plus le même goût. Ah oui. Et franchement, au tout début du restaurant, c'était succulent. Mais ratatouille, effectivement, ça a à faire pour le cadre, au moins une fois. Mais ouais, c'est le cadre. Je suis pas prêt d'y retourner, je pense. Je préférerais mille fois mettre les sous pour aller au Walt ou au Manhattan, tu vois. Mmh. Mmh. D'accord. Bon, bah, au moins, ouais. Au moins ceci est dit. Je pense qu'on a fait le tour de l'hôtel Marvel. Qui a dormi dans... Donc, toi, Tony, tu as dormi dans l'hôtel Marvel? Oui. Alors, raconte-nous. Attends, je ferme les yeux, fais-moi rêver. Alors, Quel étage? On était au 4e, je crois. C'était qui le thème? C'était Captain Marvel. Ouais, c'était okay. Captain Marvel dans notre étage. On avait alors. C'est toi qui as choisi. Tu peux appeler dire voilà je veux tel étage. Ou... On n'a pas choisi. On a juste enfin voilà on avait pris une chambre standard et on n'a pas choisi. Alors il y a des rumeurs qui disent que si on dit ah j'aime vraiment tellement bien ce personnage là ou quoi ils essayent de le prendre en compte mais il y a aucune garantie en fait à ce niveau là. Alors par quoi contre c'est vraiment... Tony de MSA n'a pas de garantie à ce niveau là. Il semblerait, oui. Après, c'est moi, mes entrées, je les ai au Sequoia Lodge, surtout. Hein, Ah, ça sera quoi quand je vais y aller. Mais par contre, c'est... ouais, c'est pas mal. Je connais Tony de MSA, donc je veux la suite. Je pense que c'est jouable. Il a un compte Litchi qui est bien fourni. Si tu veux, tu demandes ma suite. Hein, tu demandes la mienne. Suite. En final, ça fait quand même deux fois que j'ai la marme, donc... Voilà. Et puis je dirais que c'est payé par le compte Litchi d'MSA. Hop, c'est nickel. Ça. Voilà. Bien parti. Olivier, je t'invite. Mais du coup, voilà, merci. C'est gentil. Mais donc, ouais, les chambres, pas mal. Donc, la déco dans le couloir, vraiment top. Très, très, très travaillée, etc. La chambre est sobre. Honnêtement, c'est assez sobre, comme le reste des hôtels. Mmh. Hein. On n'est pas sur des trucs trop flashy, trop gueulards, entre guillemets. Très sobre, des belles toiles, super. Enfin, des belles peintures, en fait, pour décorer la chambre. On avait une de Black Widow, je crois, une de Black Panther dans la chambre. Mmh. Alors, très moderne. La salle de bain, magnifique. Vraiment, très, très belle. On sent vraiment qu'ils ont voulu travailler vraiment l'hôtel dans les détails. Et alors, le truc, moi, qui m'a conquis, c'est la télé derrière le miroir, quoi. Donc, t'as un miroir sans teint, et dès que t'allumes la télé, tu vois la télé au travers du miroir. En même temps, à 600 balles la nuit, t'as intérêt d'être conquis, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment simple. Hein. C'est ça. Alors, le truc, c'est que, donc, comme j'ai dit, nous, on l'a fait, je crois, c'était... deux semaines de grand max après l'ouverture, on est allé en juillet et je crois qu'il avait ouvert à ce moment-là, donc on l'a vraiment fait très tôt après l'ouverture. On a eu des problèmes avec les... À un moment donné, on est rentré dans la chambre, il n'y a plus d'électricité. Donc on a dû appeler un technicien qui est venu remettre l'électricité. C'est Electro qui est passé par là. Ouais, c'est ça quoi. Mais enfin, tu vois, tu te dis, bon, tu as des prestations quand même, à ce prix-là, tu t'attends à pas avoir un souci d'électricité dans ta chambre, tu vois. Et donc on a appelé le technicien, on a appelé la réception, il y a quelqu'un qui est venu très très vite. Mais donc, petit bémol, la chasse d'eau, on n'avait quasiment pas de pression aux toilettes. C'est con, mais... C'était à 4e étage Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être possible. Ça, ouais. Ouais, donc, un peu dommage. Moi, j'étais au rez-de-chaussée, hein, j'ai pas eu de problème. En fait, tu fais caca au rez-de-chaussée. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. J'étais au rez-de-chaussée, moi. Voilà, bah du coup, tu iras la prochaine fois faire caca chez Olivier au rez-de-chaussée. On n'était pas en même temps. On passera à chaque fois. Bah, tu négocies avec un pote. Mais ouais, sinon vraiment top. Chambre très bien, lit très confortable. Le lit c'est dingue. Alors ce qui est cool, c'est que t'as des petits, tu vois, assez modern quand même, t'as des ports USB à côté du lit, donc tu peux directement mettre ton chargeur là-dessus, etc. Alors attention, ça, cool. Mon côté IT qui parle, ne mettez pas non plus n'importe quoi là-dessus. Quand vous connectez votre smartphone, essayez toujours de prendre une prise 220 et pas un port USB qui sort d'un mur, parce que vous ne savez pas qui est passé avant et qui pourrait avoir mis quelque chose dans le contrôleur USB ou quoi, dans le démontant, quoi. Donc faites attention à vous. Voilà, c'était le petit instant. Non, ça fait vraiment ça. Ah ouais, tu peux. Hein. En fait, sur un contrôleur USB, tu peux charger un micro-logiciel et puis après, qui se charge automatiquement sur un PC ou sur un téléphone quand tu branches. Oh, bon, je vais plus le faire maintenant. Donc, ouais, c'est, après, bon, faut pas avoir de bol, quoi, mais ça peut arriver, ouais. Donc ah ouais, voilà, d'accord. C'est, ouais, bah, je vais pas le faire. Là, non, c'est bah, le petit disclaimer du jeu. Voilà, c'est parfait. Mais sinon, ouais, tout est top. Enfin, très confortable. On avait un petit fauteuil dans la chambre, vraiment très bien. Non, franchement, ça. Et t'avais repéré, Tony, dans la salle de bain, tu peux connecter ton téléphone. Tout à fait, oui, j'avais connecté. Et t'as la musique qui sort ouais, de. Ouais. T'as la musique en Bluetooth, En Bluetooth dans ta salle de bain. Non. Ah si. Non. C'est pas... Ah c'est trop bien. Écoutez, ça les vaut. Rien que pour ça, ça vaut 600 balles la nuit. Excuse-moi, mais ouais, prendre un bain en écoutant par exemple la mixtape de Gardien Galaxy pendant que tu prends ton bain. Mais, ou mieux que ça, écouter un podcast par exemple. Ouais, un podcast. T'écoutes. Marvelicious, ouais, mais ça, voilà, c'est parti. Hein. Ou de non, mais moi j'ai réussi à avoir 600 balles. Alors vous rentrez dans votre bain. Tout mouillé. Même temps, 600 balles pour deux nuits, ça va encore. Ça, ouais, bah, en fait, ça avait appelé à la centrale et j'étais allé en mois de février, le mois où c'est le plus calme. Ouais. Et donc, du coup, deux nuits, c'était pour l'anniversaire, pour les 10 ans de mon fils. Donc, on a passé deux nuits à l'hôtel New York pour 600 euros. Donc, ça faisait. D'accord. Ah ouais. Et t'étais au rez-de-chaussée, toi, du coup. Rez-de-chaussée, l'hôtel. Spider-Man, tout à fait. Spider-Man, ouais. Je sais, et tu as une petite terrasse, c'est sympathique. Enfin, on a oui, tu te poses là, oui. Génial. Mmh. Ouais, tu vas au Bleecker Street, tu prends un café frappé, tu vas prendre sur ta terrasse. Oui, tu vas prendre sur ta terrasse. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça. Quand ça sent pas les égouts, parce que je peux te dire que l'autre fois on y était Tony au Scaling, ça pue les égouts. Hein. Ah ouais, c'était. Ah ouais. Ah oui, ça sent. C'était orageux. Oui, bah non, c'était pas orageux le lendemain, ça puait quand même. J'y suis passé, moi. Ouais, bon, c'est un autre problème. Donc, voilà. Mais en tout cas, du coup, toi, ton expérience, Olivier, c'était la même, quoi. L'écran, oui, la même que, télé. La même que Tony, moi, la télé. Il y a juste le problème des chiottes que tu n'as pas eu, toi, au final. Que j'ai pas eu, parce que j'étais au rez-de-chaussée. Et puis, non, la télé, par contre, tu peux pas regarder grand-chose dessus. Hein. J'avais essayé pour voir de mettre Netflix ou je sais plus. Enfin, et tu as des reflets, quand même, comme c'est derrière une glace. Oui, pas mais je suis très foncé hein, sinon tu ouais, voilà pas. Mais le sinon c'est très sympa hein. la chambre est très est-ce que c'est comme dans les autres hôtels Disney quand tu allumes la télé ça fait bonjour famille Olivier oui, monde d'or oui. Ouais. Ça fait pareil ouais. Ouais. D'accord, okay. Et il y avait je sais pas si tu as eu on avait une... moi j'avais eu un fascicule de l'hôtel oui qui est super joli le journal j'ai, et que j'ai gardé voilà ouais ouais j'ai aussi et moi j'ai eu une peinture comme c'était dans les premiers jours moi, on a reçu une peinture aussi et est-ce que t'as des pantoufles ou quelque chose que t'as la piscine donc est-ce que t'as des petites pantoufles estampillées nous on avait eu des pantoufles ouais dans la chambre on avait des pantoufles ils sont tout blancs ou ils sont estampillés est-ce que ils sont estampillés Marvel Hotel d'accord tu les as gardés quand même c'est collector ouais bah, à 300 balles la nuit quand même je crois que ça intéresse. Non, je crois non, elles sont dans tu dois les laisser dans la chambre hein, celle-là. Enfin, après je sais qu'il y a des gens qui les prennent mais vous avez été à la piscine quelque chose, vous avez été à la piscine. Moi j'ai fait la piscine ouais. Non, j'ai pas fait oui, ça, c'est... Cool. Il paraît que tu as l'impression d'être dans le métro si j'ai bien compris, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment décoration métro et franchement vraiment top. Bon après la piscine, ça reste à peu près la même que les piscines classiques d'hôtel. Hein. Il y a pas de toboggan, des choses comme ça. On n'est pas dans un center park ou un truc comme ça. Mais franchement sympa, assez grande. Tout a été rénové parce que c'est vrai que la piscine du New York, on l'avait faite quelques mois avant la rénovation de l'hôtel. Et honnêtement, c'était voilà, fallait la refaire. Honnêtement, là franchement très très bien. Piscine extérieure, on n'a pas testé. Parce qu'elle était fermée, parce qu'on avait été le soir et du coup elle était fermée. Donc on a fait que la piscine intérieure, mais vraiment sympa. Sinon, il y a aussi un terrain de basket en extérieur. Ouais. On a été dessus, alors on n'a pas joué. Il y a les trampolines qui sont cool aussi. Franchement, vraiment top. Les équipements sont bien. Il y a salle de muscu comme dans tous les hôtels maintenant. Et il y a aussi le Super Hero Station qui est vraiment à faire. J'ai compris, tu as accès quand tu es résident. Quand tu es résident, c'est ça, tu as fait. Ouais. Tu es obligé d'être résident pour y avoir accès. Pas résident. Ouais. Et en fait, tu as une. Attends, 300 balles la nuit, excuse-moi. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait un peu de. Un peu d'avantage. Exclusivité, voilà, c'est ça. Et encore, penser à prendre rendez-vous. Hein, parce il faut prendre rendez-vous, oui. Alors, ça, honnêtement, si un jour vous le faites, prenez vraiment rendez-vous directement dès que vous pouvez faire. En fait, c'est au moment du check-in que vous pouvez prendre rendez-vous. Faites-le tout de suite. N'attendez pas d'être sur place parce que potentiellement, vous n'aurez pas de slot, en fait. Donc voilà. Ah oui, c'est vraiment prisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, vous pouvez réserver plusieurs slots aussi si vous voulez le faire une ou deux fois. Et là, en fait, nous, on avait. Alors, à l'ouverture, c'était que Spider-Man comme personnage. Je crois que maintenant, il y a une tournante dans les personnages. J'allais dire, je crois qu'ils changent maintenant. Ouais. Et donc, en fait, il y a une photoloc, donc avec un personnage, avec un photographe photopass. Et en fait, après, il y a toutes des scènes comme ça, scènes assez marquantes de Marvel, où on peut justement faire des photos soi-même. Alors, si on cadre bien, bah, du coup, on est vraiment dans la scène. Et c'est plutôt sympa. Donc il y a un truc du Wakanda, il y a un cercle de téléportation de Strange, il y a les bottes d'Iron Man, il y a des trucs comme ça. Donc c'est la chambre de Peter Parker aussi. Ouais. Donc plutôt cool, ouais, franchement sympa. Ouais. Laurent, toi, bon, tu supposes comme moi, t'as pas dormi à l'hôtel Marvel. Si. Ah bah d'accord. Bah, alors. Il y a que toi en fait, hein. Bon, il y a que moi. Bah, vous savez quoi, bah, moi je vais y aller, puis je vais vous dire. Mais j'ai même envie d'y retourner là, tu vois, depuis ça fait longtemps. J'y suis allé, c'était Tony a aussi d'y retourner, Olivier, rien grand temps, un mois après l'ouverture, ça fait long. Alors Laurent, ton expérience, toi, alors c'est pareil, t'es à l'étage pour les toilettes, t'as eu le même problème? Non, j'ai pas eu ce problème de toilette. J'ai un problème de chiottes. Voilà. Par contre, l'étage, je ne me rappelle plus trop. Je crois qu'on était au troisième ou quatrième. C'était quatre super-héros. Je crois qu'il y avait Captain Marvel. Ah, donc c'était comme moi, alors. Quatrième. Ouais, c'est possible. C'était dans la même chambre que toi. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont réparé les toilettes entre-temps. C'est ça. Électricité, du coup. Ouais. Et donc, c'était comment, ton expérience? Je dirais que j'étais d'abord très surpris par la beauté de la chambre. Les finitions et les matériaux sont très beaux. On a un mélange d'acier, de bois, franchement, c'est très classieux. Je crois qu'il y avait quelque chose au plafond aussi, même. Un lampadaire? Une espèce de bouclier au plafond, il me semble. Un bouclier au mais plafond. Mais faudrait que je revoie des vidéos. Comment? T'es sûr que c'est pas Captain America? Parce qu'un bouclier au plafond? Non, pour moi, j'avais rien au plafond. Non. T'avais pas d'étoile d'araignée? Oui. Je regarderai les vidéos parce que je me rappelle plus trop, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose. Mais c'était très joli en tout cas. Ah, c'était peut-être gros goût ou un truc comme ça, non? T'avais pas ça? C'est Tom Margarita. Oui, moi, de la perception que j'ai de ce que vous dites, c'est que c'est un hôtel qu'il faut au moins faire une fois, je suppose. Il faut le faire une fois, même si c'est pas. Alors après, ce que je conseille. Au moins deux nuits, vous conseillez quoi? Au moins deux nuits, pas au une moins seule. Deux nuits pour profiter. Au moins deux nuits. Ouais, parce que nous, on l'a fait une nuit, franchement, c'est un peu juste. Tu profites pas de la chambre. Ouais. C'est pareil, c'est trop court une nuit. Trop court. Mmh. Allez, une semaine. Allez. Ouais. T'as le compte Litchi de Tony, il va péter là. Alors, du coup, l'ambiance de l'hôtel, parce que c'était les gens, mais l'ambiance de l'hôtel, de manière générale, moi, je le trouve plutôt plaisant, puisqu'en fait, bon, son vrai nom, c'est pas Marvel, c'est The Art of Marvel. C'est dédié à l'art des super-héros et comics, etc. Donc, vous avez des tableaux de pas mal de super-héros, même. Là, on les compte même plus. Hein. En tout cas, tous ceux du MCU sont représentés. Voilà, et certains, plus des comics aussi, sont là, en fait. Et donc, du coup, vous avez des toiles de. Enfin, on va dire des chefs-d'œuvre, hein, on va dire c'est des toiles de maître. Enfin, c'est magnifique, hein, faut dire ce qui est. Il y en a une qui a été faite spécialement pour l'hôtel. Celle en fusain ? Celle ouais, qui est tout au fond, là, c'est la salle de conférence. Oh, oui. Elle est impressionnante. C'est la plus belle. Ah oui, elle est impressionnante. Ouais. Elle était faite à main levée, celle-là, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez aller voir, donc si vous êtes résident de l'hôtel, et je pense que maintenant il commence à l'ouvrir un peu à tout le monde, c'est qu'en fait il y a moyen d'avoir une visite de l'exposition permanente qui est là-bas, avec un cast en fait, qui vient vous expliquer, etc. Je crois que ça dure une demi-heure à peu près. Et c'est super intéressant. Franchement, si vous avez de la chance que. Alors le truc, il faut que les castes qui soient formés à ça puissent soient là. En général, il y en a toujours un qui est là à la réception. Mais si vous avez l'occasion, faites ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que si vous faites cet hôtel-là, il faut vraiment se dire je fais l'hôtel en entier, parce que bon, ça reste un prix, hein, même si maintenant il est parfois plus abordable, ça reste quand même un prix assez élevé. Donc il faut vraiment se dire je vais peut-être prendre une demi-journée où je vais vraiment profiter de l'hôtel, où je vais aller prendre mon petit-déj dans la salle, je vais aller prendre mon resto le soir, et je vais visiter l'hôtel, en fait. Parce que rien que visiter l'hôtel, il y a ça, il y a aussi la Super Hero Station, on l'a dit, il y a une zone où c'était avant les jeux vidéo, où maintenant, en fait, c'est devenu une zone où les enfants peuvent apprendre à dessiner les personnages Marvel, où il y a un cast en permanence. C'est vraiment terrible. Elle est dans le petit couloir qui va vers la piscine, en fait. D'accord, mais c'est pour les résidents, ça, par contre. Alors là, par contre, ils vérifient pas si t'es résident ou pas. Ah bon ? D'accord. En tout cas, nous, quand on y avait été, le guide n'avait pas. Alors, on était résident, mais ça, c'était pas écrit sur notre front, tu vois. Ouais. Que peut-être qu'ils vérifient pas à cet endroit-là. Mais il y a un cast en permanence ? Ouais, il y a un cast tout le temps. Enfin, dans les heures d'ouverture, hein, si tu vas à 3h du matin. Oui, j'imagine bien. Je pense qu'il y en a pas à dur, mais. Il était de Skyline. Ouais, voilà, c'est ça, il est en train de finir la journée là-bas. Mais c'est plutôt pas mal. Donc il y a ça, donc il y a le. Après, il y a tout ce qu'il y a à visiter, quoi. Mais franchement, c'est impressionnant. Et comme tu disais, Olivier, hein, je pense qu'il faut le faire deux jours. C'était un peu trop juste. Que nous, on a fait vraiment. Enfin, du coup, on a fait vraiment la journée intense. Tu arrives le vendredi soir, tu fais une nuit, machin, ou tu arrives vraiment genre, le vendredi matin, tu profites une nuit? Ça dépend ce que tu veux faire. Honnêtement, arriver le soir, se faire un resto, aller dormir tranquille, et puis le lendemain matin, profiter un peu de l'hôtel, je pense que c'est le bon plan, tu vois. En plus, la piscine, si tu l'as fait le matin, il n'y a personne. Que nous, on l'avait faite en fin de journée, c'était blindé. Ça me donnait envie, les gars. Donc, honnêtement, si tu as l'occasion, fais-le. Il vaut vachement le coup. Au moins à faire une fois, tu vois. C'est comme le petit hôtel, c'est le genre de truc à faire une fois. Ou alors tu vas aux toilettes ailleurs, quoi. Et dès que vous arrivez, n'oubliez pas de demander à prendre rendez-vous pour faire la visite avec un cast member. C'est dès votre arrivée, faut tout de suite le demander, parce que pour avoir un créneau, c'est pas évident. Donc faut pas l'oublier. Voilà. Bah, du coup, c'est l'expérience qui parle. faut demander du coup la visite guidée entre guillemets, et puis le Super Hero Station, je suppose, tu demandes les deux, quoi. Comme ça. Mais Super Hero Station, tu dois la réserver avant. À partir du moment où tu peux faire ton check-in sur l'application, je crois que c'est du coup 7 jours avant. Ouais. 7 jours avant, tu peux déjà la réserver, en fait. Et là, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Je ne sais pas si la visite guidée, elle est toujours gratuite, parce qu'il parlait de la mettre payante. Ah ouais ? Je ne sais pas si elle est encore gratuite. C'est qu'une demi-heure, faut pas déconner quand même. Je sais, mais. Pas à tout, hein. Bah après, du coup, s'ils la font payante, je suppose que tu n'es plus obligé d'être résident de l'hôtel pour la faire, a priori. Là, c'est pas mal, ça, à la limite. Ouais, c'est ça, sûr. Ouais, enfin quand même, faire ça payant, c'est un peu gros, quoi. Et on en parle de l'odeur magnifique de cet hôtel. Ah ouais. Je me suis acheté le parfum de l'hôtel, d'ailleurs. Ça m'a coûté 70 euros. Ouais, il fait mal. Hein. Mais bien. 70 euros, mais bien. Mais il sent bon, heureusement. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Ouais. Ça veut dire, attends, 70 balles, c'est quoi? Tu as 70 pulvérisations? Il dure très longtemps. Hein. C'est un flacon. Que j'ai encore et que. Il me reste largement plus que la moitié. Donc il est. Okay. Alors, vous avez aussi la boutique dédiée, voilà, qui est pas très grande, où il y a, on va dire les goodies, de l'hôtel, voilà. Et puis vous avez aussi quelques goodies qu'on retrouve dans l'Avenger Campus, le merch, comme on dit, et qui vous permet d'avoir la réduction passe annuelle, du coup, voilà, pour ceux qui. Alors tu n'as quand même pas la grâce sur les ce qui est vendu exclusivement au campus. En fait, tu as la réduction sur tout ce qui est Marvel. Même au campus, tu as des réductions sur les objets, sauf les objets qui sont estampillés Avengers Campus. Oui, c'est ça. Donc, mais du coup, même si tu l'achètes en dehors de l'Avengers Campus et que c'est estampillé Avengers Campus, tu n'as quand même pas la réduc. Bah oui. Ouais, c'est. Ah, c'est les objets Avengers Campus. Donc, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai acheté un mug à Laurent et j'ai eu la réduc. Là, tu auras la réduc. Ouais. C'est vraiment les trucs spécifiques Avengers Campus. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est une petite boutique où elle ne paye pas de mine, faut dire ce qui est. Un peu petite quand même, je crois. Un peu petite. Par rapport à celle des autres hôtels, tu as autour quand même des belles vitrines où tu peux voir des figurines à tous les prix d'ailleurs. Ouais. Et des fois, si tu peux acheter des petits cadres avec certains. Alors, c'est pas toutes les œuvres, mais je crois que tu as des petits cadres avec des œuvres justement. Bon, c'est des copies, c'est pas les originaux, mais tu peux les acheter aussi. Voilà, c'est pas non plus la grosse boutique. Mais bon, c'est plutôt plaisant. Tu descends, tu as un souvenir Disney, tu peux être. Puis Hôtel Marvel, c'est pas mal, parce que je crois qu'ils ont une lanière, je crois. Ouais, ils ont une lanière, ils ont un t-shirt, ils ont des pins. Ouais, ils ont une lanière. J'ai vu, aujourd'hui, j'ai vu les tasses à café, elles sont magnifiques, les petites tasses à café. Là. Non, les tasses. Ouais, ouais, elles sont super belles. Hein. Ouais, enfin, tu vois, j'y vais 2-3 juin, je pense que je vais en acheter. J'en avais acheté une pour un copain qui m'a demandé de lui prendre. Et le parfum, du coup. Il y a le parfum aussi, ouais. Le parfum qui existe en bougie aussi maintenant. Ah. Bougie et parfum. Non, c'est vrai. On va faire un podcast sur les odeurs. Les odeurs parfum et bougie, votre podcast Disney. Voilà, parfum et bougie par Olivier Wonderland. Alors, ils avaient ça aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, la figurine, ouais. En fait, c'est une figurine. La figurine Spider-Man. Voilà. Je sais pas, je te vois que toi, moi. Ah, bah, tu vois pas. Ah, en fait, là, ouais. Il tient une figurine, alors, je crois que c'est l'hôtel avec Spider-Man dessus. Ouais, c'est un bout d'hôtel, ouais. Un vrai bout. Et je sais pas si la vendent encore, celle-là. Un vrai bout. J'avoue que je l'ai pas vu quand j'y suis passé la dernière fois, donc pas sûr. Après, j'ai pas spécialement fait attention. Est-ce qu'il y a une casquette Parce que j'en ai pas vu de casquette. Très bonne question. Pas. Il me semblait qu'il y en a eu une, mais je sais pas, c'est par ici. J'en ai repéré une à l'Avenger Campus, je crois qu'elle est nouvelle, et la noire, elle existait. Oui, et en fait, elle est sortie tout au début, la noire de l'Avengers Campus, et maintenant, elle est redispo. Elle est en stock depuis, mais ça fait genre 3 jours qu'elle est en stock. J'ai failli craquer. Mais c'est comme la casquette Spider-Web, où j'en avais plus, et puis maintenant, c'est revenu. Par contre, là, j'ai acheté la Gardien Galaxie. Je l'ai pour toi, mon petit Laurent. Je l'ai prise. Il n'y en avait presque plus. Là, il y en avait, mais du coup, bizarrement, le merch Gardien de la Galaxie 3, tu ne trouves pas à l'Avenger Campus. Oui, il est, faut aller dans la boutique. Faut aller dans la boutique avant. Ouais. Ouais. Et il est à l'hôtel Marvel. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre. S'ils font des trucs bizarres à Disney. Voilà. C'est pas je pense qu'on a fait le tour de l'hôtel. Je ne me trompe pas. En tout cas, chaque étage est dédié à un personnage, on va dire ça. Donc, du coup, personne n'a fait. En ce moment, il faut quand même parler de l'expo Gardien Galaxy 3 que j'ai vu aujourd'hui, moi. Alors, raconte-nous alors cette expo. J'ai pris en photo, mais j'ai vite fait, j'étais avec Laurent. Je l'ai filmé, enfin, c'est magnifique. En fait, c'est les concept art du film. Il y a les vaisseaux, les décors, etc. Et il y a les costumes originaux qui ont servi. À la scène qu'on voit dans la bande-annonce, parce que j'ai pas encore vu le film, je vais aller le voir avec mon fils très bientôt, où tu sais, ils sont un astronaute j'y vais demain, moi. De toutes les couleurs. Ah oui. C'est ces costumes-là, il y a le costume de Gamora, de Star-Lord et de Mantis, qui ont servi au... Ah oui, c'est celui-là qui ressemble à des doudounes. Ça, exactement, des doudounes de l'espace. Comme dans Tintin, mission... Un peu, oui, c'est vrai. Ouais, ça, ça fait un peu Among Us aussi. Enfin, exact. Ça fait un peu Among Us. Donc c'est des très belles pièces et enfin c'est je trouve ça génial de voir ça à Disneyland Paris comme ça. Donc avant il y avait les concept art de l'Avenger Campus d'ailleurs. Mais il n'y a plus maintenant. Maintenant ça a remplacé. Bah oui. Et donc voilà, il y a ça à voir en ce moment. Donc c'est accessible par tout le monde. Hein, donc vous pouvez y aller sans être résident de l'hôtel. Il faut absolument le faire. Oui, j'ai pris en photo, faut que je le mette sur Instagram d'ailleurs. Mais et puis aussi un truc que j'ai pensé, c'est qu'on peut acheter des comics aussi. Bon, c'est pas non plus les meilleurs du monde, mais c'est les basiques, hein. C'est Spider-Man, c'est voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu là en mode, si vous aimez bien l'hôtel, bon, en fin de compte, vous pouvez vous dépanner si vous avez envie de lire un peu le soir. Ouais, exactement, ça fait ça. Tiens, tu vois l'impression que c'est le comics de dépannage, tu vois. Mais c'est ça. C'est surtout le Spider-Man. Plus cher. Ouais. Ouais, qui est vendu deux fois plus cher que quand tu vas sur Amazon. Tu vas à la FNAC, tu l'as moins cher. Après, il y a un comics. En plus, il n'y a pas de réduc. Il y a un comics sur web, sur l'attraction web qui existe, que j'ai pas. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Non, parce que je voulais l'acheter. Je l'ai pris et je dis à. Parce que ma fille, elle adore Spider-Man et je lui dis tu veux que je te le prenne? Elle me fait non, c'est bon, on le prendra un autre jour. Donc je le repose et puis on y va, quoi, 3 semaines après. Et j'ai demandé à la dame, mais il est où? Il me dit, on n'a plus. Ah, mince. Et c'est celui-là qui concerne effectivement. Et qu'on y a été là ce week-end, mais il n'y en avait pas. Ah, c'est le problème à Disneyland. Ouais. Ou dès que tu trouves un truc qui te plaît, faut le prendre. Ouais. Mais t'as raison. J'ai l'impression que ils font ça à chaque fois. Ça crée de la frustration, comme ça tu vas lâcher la prochaine fois en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y en a un où j'ai pas été très frustré, mais je crois que tu l'as, Tony, c'est le suite Sully. Oui. J'avais hésité, je vais est-ce que j'achète ou pas et tout. Et je me suis dit, je vais pas l'acheter. Bah après, je l'ai pris en février, le jour de sa sortie. Il y a encore. Et là, il y a encore. Hein, donc, ouais, il se trouve facilement encore. Donc, du coup, ouais. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour du Avenger. Je pense qu'on a fait tout le tour. Donc, ce bilan est terminé. Merci. De rien. Donc, merci. Qui a été voir Gardien de la Galaxie 3? n'ai pas été. Pas encore. Moi, je vais demain. Olivier, tu vas quand Avec mon fils, le plus tôt possible. Donc, je pense. Tony, moi, peut-être ce week-end, mais pas sûr. Le prochain podcast, ce week-end. C'est sur les Gardiens de la Galaxie. Hein. Ah, là, j'adore. Si vous voulez être présent, il faut l'avoir vu. Hein. Donc, il y aura Mika. Un pote qui, lui, est une bible Marvel. Donc, il nous expliquera les origines des Gardiens, etc. Donc, voilà, c'est son truc. Bref, le prochain sera sur les Gardiens de la Galaxie. Donc, je compte sur vous si jamais vous l'avez vu. Bah, revenez, comme ça, on va en parler. En tout cas, c'est sûr, on se retrouvera avec Olivier et Tony, puisqu'on va parler. On va voir ça sur nos agendas respectifs. On va enfin parler de trucs intéressants. Voilà, Marvel, c'est intéressant. De Mando, et puis de. Alors, je sais pas si tu l'as vu, Olivier, toi, Bad Batch. C'est pas terminé la saison 2 encore. C'est pas Bad Beach, hein, c'est Bad Batch, d'accord. Ah bah j'ai pas vu alors. C'est pas le même film. C'est pas le même film. Il y en a un c'est sur Disney X et l'autre sur Disney Plus. Voilà. C'est ça. Oh là là. Arrêtez-moi. S'il vous plaît. En tout cas, regarde la saison 1. Au moins, voilà, c'est pas. J'ai déjà vu la saison 1. Je suis. T'as pas regardé la saison 2. J'ai un peu de mal, mais bon. C'est vrai? Ouais, elle est plus difficile à regarder que la une, je trouve. Ouais. Moi, déjà que la une, des fois, il y avait des périodes où c'était beau. Voilà. Ouais. Bon, on verra. Mais je vais m'y remettre. En tout cas, le prochain, c'est Mando, en tout cas. Donc, ouais. Je dirais même le Mandoverse. Ouh. Mandoverse. On va vraiment brasser. On va pas faire que la saison 3. Donc... Ah, chouette, on va faire de la bière en plus, c'est cool. Putain. Voilà. Voilà, voilà. Merci les gens. Je ne reviendrai plus apparemment. Ah, petit jeu, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ou pas, parce que je sais que c'est plutôt Tony qui doit savoir, si notre Avenger Campus paraît mieux que ceux des autres parcs? Alors, le seul où on peut vraiment comparer, c'est celui de Californie. D'accord. Puisque c'est là le seul où ils ont vraiment un campus complet. Et apparemment, on est quand même en dessous. En termes de superficie, de rencontres personnages, etc., on est en dessous. Surtout qu'ils ont déjà eu une première petite extension avec une zone Doctor Strange, où il y a justement un endroit pour le rencontrer, etc., qui est plutôt sympa. Donc, apparemment, on serait un peu en retrait. Mais par contre, nous, on a un coaster que eux n'ont pas. Parce que eux ils ont donc Web et la Tote, donc la Tote de la Terreur en version Gardien de la Galaxie, qui apparemment est très très bien, voilà, ça ils ont pas. Ouais. Et puis c'est pas vraiment intégré au land, c'est un peu comme nous quoi, comme si. Ouais, elle est à l'entrée du land, mais pas tout à fait, mais un petit peu comme un, c'est un peu particulier, donc voilà. Et mais par contre ouais, ça. Apparemment, ça marche pas mal, l'immersion est bien aussi. Mais honnêtement, notre campus, c'est pas mal. Enfin, bon, moi, j'ai fait que celui-là, hein, donc je peux pas vraiment comparer, mais des vidéos que j'ai vues de l'autre, je trouve que le nôtre a pas trop à rougir non plus. Et je crois qu'en taille, c'est foutu différemment. Nous, en longueur, le leur est un peu en cercle. Ouais. C'est à peu près pareil en surface. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil, ouais. Mais c'est peut-être mieux foutu aux États-Unis. Je pense que pour te déplacer, c'est mieux que ce soit en cercle, je pense. Ouais, je pense. Par contre, ce qui est intéressant au nôtre, c'est qu'on a quand même encore des espaces d'amélioration. Hein. C'est prévu pour. Ouais, je pense. Bah, en fait, t'as toute la scène de moteur action qui est là, qui sert plus à rien. Donc potentiellement, il y a une grosse zone là-bas pour s'agrandir. Et en plus, il y a aussi quand tu montes sur le QG des Avengers pour aller donc pour faire Flight Force. Alors, à quoi ça sert ces trempes là-bas s'ils font rien d'autre au-dessus, en fait? Alors à ce moment-là, tu faisais l'entrée de Flight Force en dessous du Queen Jet. Donc j'ai l'impression qu'il y a là, il y a quand même quelque chose qui pourrait arriver, mais bon, voilà. C'est que mon avis personnel là-dessus. Ouais. À voir. Et justement, je crois qu'on est même, c'est sûr, on est les seuls à voir le spectacle de drone. Oui. Pour le moment, oui, tout à fait. Pour le moment, ouais. On est les seuls, ouais. Alors Laurent, est-ce que tu aimes ce... Alors, je sais déjà, mais est-ce que tu aimes ce spectacle de drone? Mais je l'adore. Il est magnifique pour moi. Les drones, la pyrotechnie. Surpris comme moi que ça arrivait un peu comme ça. Enfin moi j'ai cette impression là que ça arrivait un peu comme ça. J'ai pas ce souvenir que c'était largement annoncé. Ils se sont dit oh Delight ça marche c'est pas mal on va faire pareil avec Marvel. Si on faisait pareil avec Marvel. Qu'est-ce que tu aimes dans ce spectacle Laurent? Comment? Qu'est-ce que tu aimes dans ce spectacle? Les drones. Enfin, oui. Le spectacle. Non, j'aime bien la synchronisation du mapping de la pyrotechnie. J'aime bien quand, par exemple, tu vois, y a une flèche qui part et tu as le feu d'artifice qui suit la flèche. Il y a cet effacement du ciel et de la Tote qui fait que tout ça fait un bel ensemble. Enfin, franchement, j'aime beaucoup avec tes drones, tout, c'est magnifique. La musique aussi. Et toi, Tony? Bah, moi, ce que je. Enfin, encore une fois, c'est le. Alors. Visuellement, il est magnifique. Hein. Honnêtement, ça, et la synchronisation, je trouve ça terrible. Musique aussi, la musique ouais. est bien. Le côté un peu comics des projections sur la tote est vraiment intéressant. Mais par contre, moi, ce qui me fascine, c'est de faire voler autant de drones avec une synchronisation telle que celle-là. Enfin voilà, moi, c'est honnêtement, c'est ça qui me fait rêver le plus. Mais clairement, c'est magnifique. Hein. Et puis voir les drones comme ça, c'est vraiment un truc. Enfin, nous, on a vu le spectacle depuis le lac du Disney Village. Et en fait, c'est même de là, c'est incroyable, quoi, parce qu'on voit vraiment tout. C'est très, très, très, très beau. En fait, on l'a vu en sortant du downtown. On est sorti à l'heure du spectacle et puis on a dit, ah bah attends, on va voir si on voit quelque chose ici. Et en fait, on a vu tout le spectacle. C'était vraiment incroyable, quoi. T'étais dans le bon angle, t'arrivais à voir les formes et tout. Franchement, ouais. Alors évidemment, tu voyais pas aussi bien que si t'étais en face, hein, évidemment. Mais franchement, c'était pas mal. Et ça te donne un autre point de vue. Donc c'est aussi un spectacle qu'on peut voir de l'extérieur du parc, un peu comme toutes les projections qu'il y a sur la tote. Hein, si on se met au bon endroit, il y a moyen de les voir depuis l'extérieur. Mais donc ouais, c'était plutôt bien. Et puis ouais, moi je suis fasciné de voir comment ils arrivent à faire voler des drones comme ça. Enfin voilà, c'est. C'est le moment qui me fascine le plus. Cocorico, hein, pour une fois qu'il y a un truc français. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, c'est français. Hein. C'est quand il y a Captain Marvel qui arrive, tu sais, t'as les drones, t'as une sorte de lumière qui arrive comme si un météore qui tombait sur. Ouais, c'est ça, oui. Sur la planète qui est super bien fait, et puis t'as quand c'est la Groot qui est en train de mixer aussi, c'est plutôt pas mal. Oui. Ouais. Quand Black Panther arrive aussi. Ouais, pareil, c'est vrai. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une version spéciale de ça pour les Gardiens de la Galaxie. Au moment où il y a eu l'avant-première, des Gardiens de la Galaxie 3 là, qui a été faite à Disneyland Paris. Et donc, il y a eu une version spéciale du spectacle qui a été faite juste avec les Gardiens de la Galaxie. On voyait notamment le Milano qui venait énorme voler à côté de la tote, etc. Donc, c'était. Ça devait être dur. Je l'ai pas encore vu. J'ai vu un petit bout sur Insta le jour de la soirée. Je suppose qu'il doit y avoir les shows complets sur YouTube. Je regarde un peu. Est-ce que vous avez vu le vieux spectacle? Il y avait des drones dedans. Ah, bon, ça marchait mal. C'était l'Alliance des super-héros. C'était dans le campus directement. Ah ouais, non, c'était celle c'est, de. C'est, non, il était pas dans, encore, la salle le de, dans le studio de Yenner. C'était dans le cinémagique. J'avais vu. Ah non, parce qu'il y avait les drones dans le campus aussi à un moment donné au tout début. Mais c'était le jour de l'inauguration. Non, ils avaient fait plusieurs shows, pas beaucoup. Ils avaient fait plusieurs shows, ok, d'accord. En fait, t'avais l'Alliance des super-héros, c'était un spectacle où t'avais des drones, où c'était Thanos qui avait la pierre de l'esprit, qui avait manipulé Captain America et Iron Man. Avec la voiture volante et tout ça. C'était super. Franchement, il était pas mal. Moi, j'ai vu les deux versions. Ils l'ont fait. Peux le retrouver sur YouTube, sur la chaîne de Disneyland Paris, ils l'ont remis. Ils l'ont mis pendant le Covid, d'ailleurs, je crois. Et en fait, va le voir, parce que c'est vraiment magnifique. Ouais, franchement, c'est impressionnant. La sorcière rouge, t'as Spider-Man. Et il y a une scène qui est magique, c'est qu'avant, j'ai ce souvenir-là, c'est que t'as eu deux versions, quoi, la première année et puis la deuxième, quoi, la première saison. La première saison, quand t'avais la bagarre, tout le monde se battait, tu sais, mais tu devais regarder partout, machin. Ouais, et après, ils font en genre de stop motion à certains moments. Là. Ouais. Ils ont fait des slow motion par personnage et les acteurs, ils jouaient trop bien, quoi. Ouais, c'était impressionnant. Et ce qui est bien, c'est que sur le YouTube, c'est la deuxième saison, en fait. C'est la meilleure. Ah ouais, c'est la meilleure, ouais. Par contre, beaucoup de problèmes techniques quand même. Je me souviens que qu'une fois, après, je les ai plus jamais vus. Les drones, on les a vus deux fois, je crois. Mais par contre, on a été deux ou trois fois le show arrêté. On a été évacué de la salle deux fois la première année. Donc, c'était compliqué la première année. Mais bon, après, techniquement, c'est quand même incroyable. Et puis la salle avec les projections sur les côtés, etc., les écrans, c'est magnifique. Oui. Quoi. Les écrans hauts, t'avais les personnages. Ah, ça, c'était vraiment impressionnant. Ah, c'était bien. Après, ils l'ont transformé. Alors, ça, j'ai trouvé ça. Enfin, bref, j'étais content quand même parce que je l'ai fait, mais. Pendant le Covid, même après le Covid, avec des personnages Marvel, mais c'est pas. C'est gâché. Enfin, franchement, cette salle-là, j'ai hâte qu'elle Le nouveau spectacle, là, c'est Together. Ouais, Together, ouais. Voilà, donc on verra ce que ça va donner, mais il faut vraiment qu'il exploite cette salle-là parce qu'elle est vraiment bien, quoi. Elle est vraiment bien. Il y a des travaux. Pas exploité. Ouais, des travaux. Il y a des palissades devant. Bah, à mon avis, ils sont en train de refaire l'entrée pour préparer Together. Hein. Ouais. C'est au mois de juillet qui sort, je crois. Donc, Ouais, c'est cet été, ouais. C'est cet été. En même temps, ils ferment pas mal d'attractions. Il faut bien qu'ils ouvrent un spectacle. Tu vas me dire. Après, cet été, ça peut être le mois de septembre. Fin août. Ça s'appelle l'été indien, excuse-moi. Donc, ça reste jusqu'au 21 septembre, c'est bon. C'est l'été. Ouais, c'est ça. Donc après, il pleut. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, bon, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour parce qu'on a même rappelé les vieux dossiers. Hein, voilà. En tout cas, merci les gars. Alors, bien sûr, chacun fait son actu. D'accord. On va commencer par Olivier. Petite actu de ta chaîne, du coup, je suppose. Oui, bah écoute, moi, on peut me retrouver sur YouTube, Olive, O-L-I-V, espace In Wonderland, tout attaché, où je fais des vidéos YouTube sur Disneyland Paris. Donc, comme mon collègue Laurent. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Laurent. Bah, je m'amuse à amener ma petite caméra dans le parc et je filme Laurent, ce qui est intéressant. La dernière vidéo qu'il a sortie, c'est le ride en 4K de It's a Small World. Olivier, il a fait un. Bah, du coup, je me retrouve dedans, moi. Mais on a fait ton week-end avec Tony, avec Laurent, avec tous les copains que tu as pu rencontrer ce week-end. Et Tony, donc MSA. Ouais, donc MSA, Main Street Actu, le podcast, un épisode tous les 15 jours. Et MSA World. Ouais, donc, Enfin, il y avait du retard. Ouais, il y a eu du retard. Ouais, on a eu du retard. Là, normalement, ça devrait aller maintenant. On a prévu le coup. Et on a MSA World. Donc, en fait, on a un petit groupement de personnes. Et donc, on a un deuxième podcast, Imagination Street, aussi, tous les 15 jours en alternance avec les nôtres. Et puis, bah, le Discord, machin, etc. Et si vous voulez, moi, plus personnellement, du coup, pour avoir un peu de Star Wars, c'est Tony PLT, voilà, sur Twitter et Instagram principalement. Oui, c'est vrai. Eh bien, ouais. Bah, merci, les gars. En tout cas, merci d'être venus. Merci pour l'invitation. Merci. C'est normal. C'était super. Franchement, c'est de rien, avec grand plaisir. Et en plus, je ne pourrais pas faire le montage du podcast, et ça, c'est trop bien. Alors, moi, je me fais pas chier, hein. Audacity, hop, je coupe la partie, puis je mets juste. Je sais pas, j'ai pas cette spécialité-là. Je me doute que. Quand je faisais avec Maxime, par exemple, DLP Podcast. Ouais, c'est vrai. Quand je faisais avec Maxime, DLP Podcast, on enregistrait chacun de notre côté, parce que voilà. Du coup, j'ai trouvé une autre technique. Donc, du coup, c'est. Voilà, j'enregistre sur Skype, comme ça c'est je récupère la bande son et ça marche. Ça marche. En tout cas, merci. Donc, prochain podcast sur les Gardiens de la Galaxie pour Marvel. Mais Marvelicious, c'est aussi du Star Wars à partir de la. Donc, bah, je vais voir avec les copains. Ça va être du Star Wars en hors série uniquement. Ça sera pas hors série. Donc, le prochain Star Wars avec Olivier et Tony, puisqu'apparemment ils sont d'accord. Et il y aura Johan, que tu connais, Tony, qui était venu une fois, ou même deux. Où on va parler du Mandoverse. J'ai dit du Mandoverse. Mm-hmm. C'est pas que. Il y a quoi dire sur le Mandoverse. Voilà. Sur ce, merci pour votre écoute. Merci pour vos abonnements, etc. Et sinon, bye.